des arguments autour d'une thématique qui en général provoque la controverse. Donc vous êtes libre de vous positionner pour ou contre. Et le thème aujourd'hui, c'est faut-il être pour ou contre la réforme ? Donc c'est légèrement d'actualité et tout le monde est bienvenu et tout le monde peut participer. Ah bon ? Ah ouais ? Tu m'intimides là ? Oui, calme-toi. Ah bon ? Vas-y, crie-toi. Bon, alors... Donc, qui veut commencer à exposer des arguments pour ou contre ? Donc, on commence par... Alors, je vais commencer par me cacher un petit peu, parce que apparemment, ces derniers temps, ceux qui défendent la réforme des retraites sont pris pour cible. Donc, je préfère pas être trop visible. Voilà, c'est... Ça devient assez dangereux avec cette tension sociale un peu partout. Et moi, je voudrais quand même présenter cette réforme dans ce qu'elle va apporter aux Français et aux Françaises. Et surtout aux Françaises, d'ailleurs. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que on l'a entendu déjà plusieurs passés, mais il y a plein de contre-vérités qui pullulent sur les réseaux sociaux. Donc, il faut quand même d'abord venir un peu à la base du projet qui est lié au Conseil national de la résistance. Il faut le savoir. On prend ce projet comme cette réforme comme une case, alors que c'est totalement l'inverse. Ça va dans l'universalité, le prolongement d'une meilleure répartition entre les salariés, entre les hommes et entre les femmes. Donc, le premier point que je voudrais poser, c'est qu'il y a actuellement de fortes inégalités entre les régimes spéciaux, le privé, le public. Il y a beaucoup de choses assez différentes et d'ailleurs c'est difficile de pouvoir savoir comment est-ce que sera notre retraite quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce qu'on en change pas mal de travail. D'avoir un régime universel permet de savoir que peu importe là où on va travailler, au moins il y aura quelque chose d'assez lisible. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à cette réforme, c'est qu'elle va permettre à ce que les femmes qui sont souvent quand même assez pénalisées avec la réforme actuelle puissent avoir des compensations avec cette réforme-là. Alors on entend plein de choses, hein, et je pense que Monsieur Martinez, là, qui va me répondre en face, toujours contre, et j'aimerais bien qu'il propose quelque chose. On nous dit la réforme des retraites, c'est pas bien. Alors on dit c'est pas bien quand on propose quelque chose, mais sinon personne rien propose rien en face. Et nous, enfin voilà, enfin nous, non, je suis pas le gouvernement, pardon. Au gouvernement, ils sont quand même assez ouverts sur le dialogue, mais un dialogue qui est contre, on est contre et on se mobilise, je vois pas très bien à quoi ça aboutit. Donc au-delà de la réforme, il y a cette question de comment est-ce qu'on propose un sujet de société. Voilà, je voulais d'abord poser ces bases. Et ensuite, on pourra avancer sur les arguments. Voilà. Alors, loin d'être représenté M. Martinez, ma position vis-à-vis des syndicats étant quelque peu ambiguë, je vais passer la présentation pourquoi il faut lutter contre la réforme, mais d'abord commencer par expliquer une contre-affirmée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les femmes sont pénalisées dans la réforme des retraites. Entre autres, on connaît bien l'argument sur la prise en compte des enfants, les maternités, pour élever les enfants. Or, actuellement, dans le système des retraites qui existe, il y a une prise en compte effective du nombre d'enfants qu'une femme a élevé, avec l'attribution de trimestres, puisqu'on est sur un système de trimestres plutôt que de points, qui leur permet d'anticiper leur départ à la retraite et également d'obtenir un complément de retraite. Donc cet argument tout à fait fallacieux de dire que les femmes actuellement sont pénalisées est fallacieux, justement. Ensuite, pourquoi réformer le système des retraites ? Parce qu'elle est en déficit, ça nous a été répété très souvent. C'est dommage, ce qui est oublié de dire systématiquement, c'est l'origine de ce déficit. C'est-à-dire que notre très cher gouvernement, vouloir le critiquer, a décidé unilatéralement de réduire les cotisations patronales afin de relancer la croissance et l'emploi. Certes, il semblerait qu'il y ait eu des résultats, plus sous la forme de création d'auto-entrepreneurs que d'emplois créés, en fait, mais le fait est que c'est 12 milliards d'euros qui n'entrent plus dans les caisses des retraites. Et que le gouvernement, par mesure d'équité, a décidé de ne plus compensé. C'est-à-dire qu'il a décidé de la réduction des recettes des caisses de retraite et il a décidé de n'offrir aucune compensation. D'où ces 12 milliards de déficit. Et c'est ce qui justifiait qu'il essayait de réformer la retraite pour un système de retraite à points qui, je le rappelle, est déjà expérimenté en Suède avec des résultats assez catastrophiques étant donné la baisse forte des revenus des retraités. Je vois. Donc, vous avez eu, c'est ça. Donc, contre le gouvernement, contre les syndicats, contre, quoi. Hein, d'accord. Alors, déjà, il faudrait quand même que vous preniez une première chose en compte. C'est qu'on vit maintenant dans un système globalisé, mondialisé. Et que cette notion de répartition qui existait ne peut plus fonctionner de la même façon dans ce monde. Tel qu'il est pensé aujourd'hui. Alors peut-être vous allez dire, oui, on va revenir quand même, ce serait mieux aux chasseurs-cueilleurs, construire une petite hutte, une cabane, on va arrêter de travailler. Enfin, c'est ça que vous proposez, comme j'ai pas entendu encore de contre-projet dans ce que vous dites. Ce projet, il va dans le sens du monde actuellement. Il va dans le sens de... Parce qu'il y a autre chose, j'imagine, contre quoi vous allez être. Ça va être dans l'idée de travailler plus longtemps. Il faut prendre en compte qu'il y a eu quand même des grandes avancées au niveau de la santé. Qu'on vit plus longtemps. Et forcément, quand on vit plus longtemps, il y a aussi des frais d'hospitalisation qui arrivent derrière. Et tous ces frais-là, ils sont payés par qui ? Bah, par les travailleurs. Donc, si vous voulez qu'une société qui se porte relativement bien dans cet état globalisé... Il va bien falloir à un moment allonger le temps de travail. Et tout ça, c'est pour trouver cet équilibre, en effet. Alors, vous me dites, cette notion d'équilibre, elle est fausse, c'est d'autres personnes qui ont fait croire que c'était terrain. D'accord, donc pour vous, on fait quoi ? On continue comme maintenant et tout ira bien alors que la population vieillit de plus en plus ? Donc je rappelle qu'il s'agit d'une controverse pour ou contre la réforme des retraites. Et venez vous poser, c'est ouvert à tout le monde. Alors, votre argument est très intéressant, d'autant que je note que vous avez précisé que c'était aux travailleurs de subventionner les retraites. Et donc, vous excluez totalement la finance, ce qui est intéressant, puisque vous le reconnaissez, c'est généralement reconnu que c'est le travail qui alimente le circuit économique, qui permet de générer la finance, qui fournit la croissance, etc. Et donc, vous excluez le mécanisme financier et le mécanisme de croissance du financement des retraites. Je pense que je vais juste m'arrêter là et passer la parole à quelqu'un d'autre. Alors j'entends votre argumentaire, mais votre argumentaire ne répond absolument pas à la problématique des retraites. Puisqu'en fait, elle répond en rien au problème économique, vu que les travailleurs cotisent pour les retraités, et que si économiquement on ne met pas des gens au travail, et qu'on fait du chômage, le chômage de masse, le système ne pourra pas tenir. Donc en fait, que vous augmentez le temps de travail, ça ne changera strictement rien à la problématique, et en disant on sera dans les mêmes problématiques économiques sur ce système-là. Donc je suis contre cette formule, puisque en plus ça apporte aussi le fait que les gens qui gagnent plus de 10 000 euros vont pouvoir mettre dans le monde financier leur part de retraite et vont pas cotiser comme aujourd'hui dans le système. Donc déjà ça va faire aussi une baisse de cotisation du système général. Donc ce que vous nous proposez en fait c'est financer dans ce système là, vous n'apportez rien de nouveau et rien de neuf dans votre réforme et rien qui peut réellement permettre une meilleure réforme ou une réforme dans le bon sens. Si vous ne touchez pas au chômage de rien à la retraite, et on sera toujours déficitaire. Ou à un moment, il y aura des problèmes. Donc moi, ce que je vous propose pour la réforme de la retraite, c'est de garder la répartition et pas être sur un système financier. Par système financier, on sait qu'aujourd'hui, une crise financière arrive dans très peu de temps et qu'on va bientôt la manger. Et que votre réforme va encore mettre une bulle financière de plus dans le système déjà qui existe et qui va s'éclater. Donc je vois pas trop d'intérêt dans votre réforme à aller en fait éclater juste économique beaucoup plus. Pour la retraite, hein, je propose une chose, réduire le temps de travail pour permettre à beaucoup plus de gens de travailler, donc de permettre d'avoir des cotisations beaucoup plus importantes dans le système, et comme ça permettre un système qui dure. Et aussi d'augmenter les salaires, puisque par rapport à ce que votre salaire est cotisé par rapport à votre salaire, et que par ailleurs aussi, si vous augmentez les salaires des gens, automatiquement vos cotisations vont augmenter. Donc je vois bien que vous défendez purement le MEDEF, madame, et pas l'intérêt public et pas l'intérêt des gens. Oui, moi je reviens à l'argument du coût de la dépendance, des frais médicaux des personnes âgées, comme argument finalement comptable. Et derrière cette question, en fait, il y a la question de l'utilité des retraités. Est-ce que les retraités, les vieux, sont utiles dans notre société économique dans laquelle le seul but est de faire de l'argent ? Alors, il y a deux possibilités. Soit on rentre dans cette logique-là, et effectivement, on va être dans une approche comptable. On va dire, en fait, les vieux, à partir du moment où ils ne consomment plus, ils deviennent inutiles, c'est un coût. Donc, il faut, en fait, ne pas... que c'est à pure perte. Et puis, il y a l'autre approche, qui est l'approche humaniste, qui est de dire que la finalité de la société, c'est d'atteindre la vie bonne, le bien-être. Et dans ce cas-là, les conditions de vie des personnes âgées deviennent une valeur fondamentale, devient une finalité de la société. Parce que la question que je poserais, c'est, selon vous, quelle finalité avez-vous par rapport aux retraités ? Est-ce qu'ils sont utiles ou inutiles à la société ? Moi, je pense qu'ils sont sacrés. Parce que nos retraités, derrière chaque vieux, il y a un parent ou un proche. Et la valeur d'un proche est inestimable dans le sens où il est rare. Par exemple, une mère ou un père, vous n'en avez qu'un sur Terre. Et donc, sa valeur étant inestimable, donc, il est plus nécessaire de prendre soin d'eux. Donc, je vous rappelle que s'il s'agit d'une controverse, nous exerçons à discuter pour ou contre la réforme des retraites. Donc, moi, je suis Monsieur BlackRock. Donc, je n'ai pas la même vision utopiste de votre monde où les vieux, déjà, les personnes âgées, un peu de respect quand même, s'il vous plaît, sont sacrés. C'est vivre de bisounours, c'est d'être dans une réalité qui dépasse l'entendement. Moi, j'entends des arguments comme quoi il faut réduire le temps de travail, il faut augmenter les salaires. Mais c'est pas possible, ça. On peut pas augmenter les salaires. Ça fait des charges. Les entreprises françaises doivent être compétitives. On est dans un système globalisé mondial. Donc aujourd'hui, non. Il faut faire comme nos voisins européens. Il faut travailler plus. De toute façon, les gens travaillent plus. Il y a plein de gens qui sont à la retraite qui travaillent. Déjà, donc autant légaliser la chose, et comme ça au moins on sera tranquille. Et moi, la retraite, les Français sont des épargnants sur leur livret A. Le livret A va baisser à 0,5, donc il faut diversifier l'épargne, et il faut mettre de l'argent de côté pour se payer sa retraite, parce que on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Les enjeux, on ne sait pas. Donc moi, je suis pour des retraites, c'est super. On met ça sur des assurances vie, faut prendre des risques un petit peu dans la vie, parce que voilà, si on laisse tout sur le livret A, ça rapporte rien. Et si on attend un truc, une retraite qui va être versée, c'est pas le bon risque. Donc moi, je comprends pas tout ça, elle est vachement bien cette réforme en fait. Je comprends pas pourquoi il y avait des gens dans la rue là qui sont pas contents. Voilà, j'attends des arguments. Merci. Alors, j'entends tout à fait cet argument sur la nécessité d'évoluer, de capitaliser, puisque nous en sommes dans une société de finances, la nécessité de mettre en financiarisation le capital des retraites. Je l'entends tout à fait. Cependant, c'est un argument qui exclut une petite réalité toute simple, c'est que les revenus des plus pauvres, des travailleurs payés à des SMIC ou voire moins parce qu'ils sont à mi-temps ou dans des situations extrêmement contraignantes, entre autres par leur fait de transport, ne peuvent pas capitaliser parce que justement ils n'en ont pas cette possibilité. Avec notre système actuel, réponse à l'intervention de madame tout à l'heure, effectivement, pourquoi proposer quelque chose alors que nous avons un système qui fonctionne ? C'est pourquoi casser ce qui fonctionne ? C'est pour générer, vous l'avez dit vous-même, une capitalisation du système de retraite, solidarité nationale à une solidarité individuelle en fonction de ses revenus. C'est formidable, à condition d'avoir les revenus suffisants. Or, une plus grande partie de la population à l'heure actuelle n'a pas ces revenus. Et chaque année, et la précarisation de l'emploi entre entrepreneurs, qui est un exemple de pseudo-création d'emploi, ne permet pas justement à ces personnes d'avoir les revenus suffisants pour capitaliser. Donc, votre argument est valable juste pour une fraction de la population, ce qu'on appelle le premier décime actuellement, donc les revenus les plus élevés. Ça rejoint les propos de Monsieur Fillon lors d'un débat face à des représentants du MEDEF et d'entrepreneurs où il disait soyons clairs, hein, la retraite à points, c'est pour nous. La controverse est ouverte à tout le monde. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, madame. Moi, je ne sais pas trop bien parler, mais bon, il y a une chose qui me taraude. On dit travailler plus, mais tout va être remplacé par des robots. Donc, je ne vois pas comment va se faire le futur. Je vois qu'une chose, c'est... comment ça s'appelle ? Le salaire de base. Et moi, ce que je ne comprends pas, ils nous disent travailler plus, alors pouvoir... pouvoir avoir une retraite si tout le travail va être remplacé par des robots, pratiquement tous les postes. Aujourd'hui même à la RATP, il y a trois lignes qui sont pas faites par des hommes, qui ne sont pas conduites par des hommes. Alors moi je pense il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est ça, c'est-à-dire travailler plus, ok, mais est-ce qu'il y aura du travail dans le futur pour les gens? Donc, à mon avis, il y aura le revenu de base et tout ça. Et même les retraites, ça sera remplacé par le revenu de base. Parce que je vois pas... On va pas trouver tous... Les gens ne seront pas tous dans la rue. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il y aura une alternative. Et je pense que le revenu de base sera de toutes les façons une alternative pour... remplacer les retraites, remplacer les salaires, etc. Et on m'a dit que peut-être, alors, il y aura une taxe sur, justement sur les financer ce salaire de base. Voilà. Merci beaucoup, madame. Non, c'était très clair. Merci beaucoup. Alors, des arguments, contre-arguments ? Oui, par rapport à la mécanisation de notre société. Mais moi, je trouve que c'est une chose forte. Arrêter tous ces boulots dont on n'a pas du tout envie et de permettre aux gens de faire autre chose. Et effectivement, il y a tout un pan des métiers d'aujourd'hui qui n'existeront plus demain. Et tant mieux, les gens vont pouvoir eux-mêmes inventer leur métier, auto-entrepreneurs, et pouvoir être libres de choisir leur métier. Et ce qui va de pair d'ailleurs avec la retraite par capitalisation, les personnes de demain vont pouvoir non seulement être acteurs et actrices à profession, et en plus de ça, pouvoir choisir combien elles pourront épargner et comment elles anticipent l'avenir. Moi, je trouve que c'est formidable de laisser le choix aux personnes à la fois de leur métier et du montant de leur épargne. Alors... En fait, ce qui est formidable, votre raisonnement qui est impeccable, c'est que vous omettez encore une fois une chose. C'est un peu embêtant dans les gens pour la retraite à points, c'est qu'ils omettent toujours quelque chose. C'est que, en fait, les métiers qui, à l'heure actuelle, sont le plus touchés, sont justement ces métiers choisis, ces métiers plus libres, plus ouverts. Je pense, entre autres, à la création d'intelligence artificielle, en fait, d'algorithmes super complexes, pour créer des publicités, pour créer maintenant, oui, des publicités. Donc, le métier de créatif peut être remplacé par les machines. Le contrôle fiscal qui est là actuellement est de plus en plus remplacé par les algorithmes. Donc, même les métiers spécialisés à haut niveau de formation et au niveau de compétences sont remplacés et remplaçables par des machines. Tout ce qui est gestion du personnel, tout ce qui est travail de cadre et d'administration peut et commence déjà à être remplacé par des machines. Donc même à ce niveau-là, ces emplois disparaissent. Qu'est-ce qui reste pour le commun des mortels? C'est créateur d'algorithmes, ce n'est pas accessible à tous. C'est pour ça que la dame avait raison, on en arrive sur une précarisation accrue du travail, sur une retraite à points où chaque heure travaillée, paraît-il, chaque euro cotisé en fait, et c'est pas le temps de travail, chaque heure travaillée, c'est chaque euro cotisé ouvre droit à la retraite. Faire pour avoir les euros suffisants pour cotiser, pour avoir une retraite suffisante. Le système actuel, je le répète, fonctionne. Chaque caisse de retraite prise indépendamment, et j'ai la plupart du moins, sont bénéficiaires. Il y a quelques déficits dans certaines. Ce qui manque, c'est ce qui est financement. Alors, oui, l'automatisation va précariser et va avoir un rôle conséquent sur la retraite à points, puisque chacun travaillera moins, aura plus de difficultés à trouver du travail, plus de difficultés à le garder, et donc aura plus de difficultés à cotiser pour son système actuel qui offre des garanties puisqu'on fonctionne en trimestre et non pas en euros cotisés. on fonctionne en système, c'est basé sur le temps du travail, indépendamment de plus ou moins indépendamment de ce qu'on peut gagner. Du moment qu'on a travaillé, on a des droits à la retraite. Alors que dans le nouveau système de la retraite, qui est dit, c'est uniquement ce que l'on aura cotisé, les sous qu'on aura dépensés, qui seront ouvriront droit, des droits à la retraite. Moi, je voulais juste revenir sur la question de la taxe robot, parce que dans le corps, qui est le concept, il y a toute une partie justement qui aborde la question de la taxe robot dans, dans le projet de la réforme des retraites. Et ce que dit le corps sur la question de la taxe robot, et c'est la chose suivante. Ils disent qu'effectivement, de façon intuitive, il est logique de dire que puisque il y a de plus en plus d'automatisation, de mécanisation, d'intelligence artificielle, il apparaît évident que l'automatisation va détruire des emplois. Et donc la logique voudrait que ces robots, finalement, cotisent eux-mêmes à la place des humains qui remplacent. Donc ça, c'est l'approche intuitive. Et le corps, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit oui, mais il y a un problème. Alors regardez un peu là, enfin, moi ce qui m'a stupé, c'est que là, de façon intuitive, on dirait que la finalité de l'idée, ça serait logique que les robots cotisent. Mais le problème du corps, il dit oui, c'est vrai. Mais on a un problème dans les moyens. Comment faire cotiser un robot ? C'est ce qui est marqué dans le corps. Hein. Ils disent, première idée, on va donner une identité au robot pour qu'il cotise comme un humain. Donc il faut lui créer une fiche de paye, etc. Donc ils montrent par tout un ensemble d'arguments que c'est pas possible. Ensuite ils disent, oui, mais le problème, c'est que le robot, quand le patron l'achète, il paye de la TVA. Donc ça pose un problème. Ensuite ils disent, oui, si on... Non mais c'est ce qu'eux disent, hein, je défends pas le corps, hein, moi je suis avec vous, madame. Ensuite, ils disent, alors, l'autre possibilité, c'est qu'on va, au lieu de faire porter le financement de la sécurité sociale sur du travail, on va les faire porter sur le capital. Et considérer, ils posent aussi la question, est-ce que le robot, c'est du capital ou du travail ? Donc, si c'est du capital, donc on va taxer le capital. Et ils disent que si on taxe le capital, comme le capital, il est mobile, donc il va se sauver. C'est-à-dire que si demain, en France, on met en place, il y aura des délocalisations et tous les robots, ils vont partir en dehors de la France. Et donc, à partir de là, ils disent que c'est une idée géniale, c'est ce qu'on devrait faire, mais dans le contexte actuel, c'est impossible. Donc, ils ont abandonné l'idée. Aujourd'hui, il serait temps que dans tous les pays, on ait tous le même salaire. Il n'y aurait plus de problème de décentralisation. Je vois pas pourquoi il y a des pays où les salaires sont moindres que les nôtres et qui tous et après ils ont le besoin pays européen ou ailleurs. Si tout le monde avait le même salaire, il y aurait plus ces problèmes là. Donc je trouve que les pays riches devraient aider les pays pauvres pour que tout le monde ait le même statut partout. Et à ce moment-là, tout le monde resterait dans son pays puisque ça dérange beaucoup de gens. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes. Enfin, moi, je suis dans mon petit monde, hein, je ne sais pas trop, je ne suis pas très politisée, mais j'imagine des choses. Bonjour. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je pense que c'est justement on va vers ça, mais on va à l'envers, en fait. Et la France, elle est en train de perdre, en fait, en pouvoir d'achat. Et au fur et à mesure, en fait, les salaires, on voit depuis pas vraiment par rapport à le prix de la vie, on va dire. Donc on y va vraiment vers ça. Et puis un argument phare de la réforme des retraites, qu'il faut pas permettre que ça se fasse la capitalisation, c'est que quand on laisse des investisseurs qui vont s'en charger les moyens à pouvoir les investir je sais pas où. Il faut savoir que ces gens, ils vont pas le faire gratuitement. Donc ces gens-là, ils en ont besoin d'être très bien payés pour qu'ils puissent intervenir là-dedans. Donc il faut pas laisser que ça paye. C'est pour ça que l'État tel qu'il était, l'État français, il s'est bien développé depuis des années et depuis que ça a été conçu en fait après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été en fait une inspiration pour tout le monde. Alors, ça, il y a des pros, il y a des contre. Je suis persuadé qu'un peu partout dans le monde, dès qu'on laisse passer ça dans des mains privées, les capitaux, ils vont disparaître. On le voit bien dans plusieurs pays, en Suède, même en Allemagne, en Amérique aussi. Alors, à peine en fait, elle est trop loin, et puis garder ce qu'on a et l'améliorer. Par contre, tout ce baratin qui nous disent à la télévision et puis le gouvernement à chaque fois que les caisses des retraites ils sont en déficit, c'est faux, en faux, parce que il y a deux caisses des réserves qui, si on additionne tous les deux, on est en à peu près 150 milliards d'euros. On a 150 milliards d'euros dans les caisses des réserves, qu'il y a très peu de monde qui le servent. Et puis, ça peut pouvoir combler un déficit qui, à un moment donné, ça peut y arriver. Le déficit de ce qui parle actuellement le gouvernement, c'est un manque à gagner dans les années à venir par rapport à des avantages fiscaux qu'ils ont donné à les classes, à les gens qui gagnent plus de 120 000 euros. Donc, voilà, c'est juste une histoire d'échanger. Et je remercie les personnes qui ont donné cette opportunité aujourd'hui. En fait, de pouvoir en parler librement de ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas tout ce qui est en train de se passer. Et il y a des arguments qu'il faut vraiment leur dire. Hein. Même, il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que chacun a un avis différent et puis chacun apporte avec des informations très constructives. Et puis comme ça, on peut arriver loin. Merci. Merci beaucoup. Je crois que... Bon, moi aussi, je trouve ça très bien que tout le monde puisse s'exprimer dans l'espace public, mais il faut faire attention à certaines contre-vérités. Hein. On pourra que vous donner avec d'autres chiffres du gouvernement. Et je pense que le gouvernement a plein d'experts qui travaillent pour lui, donc leurs chiffres sont quand même plus fiables que ceux qui vont circuler sur Facebook ou dans d'autres endroits. Enfin, j'ai plus confiance quand même à ce qui sort d'une expertise. Alors, je voulais quand même un point tout à l'heure qui a été abordé. Une des grosses difficultés à réformer la France, c'est quand même ce conservatisme qui reste ancré sur « on va perdre notre travail, on va perdre ça ». Mais au contraire, en fait, la Macronie pousse vers la libre-prendre d'une certaine façon. Plus de créativité. On en parlait tout à l'heure de la mécanisation. La mécanisation permet que des personnes ne vont pas être obligées de faire ce travail-là, mais qu'elles inventent. Moi, je pense que les Français et les Françaises ne se sentent pas assez capables. Et il faut leur donner les moyens de se sentir... expliquant qu'en travaillant tel moment, ils pourront avoir des points à travers ça, peut-être qu'ils vont plus se dire, voilà, je vais choisir ce métier-là, parce que ça, ils vont se dire, ah, ben voilà, je vais juste travailler, faire de la façon dont je veux le faire, en utilisant ma créativité, et à partir de là, faire mes points. Enfin, il y a vraiment cette difficulté-là. Alors, quelqu'un disait tout à l'heure, la réforme fonctionne actuellement, donc pourquoi est-ce qu'on la changerait ? Mais enfin, c'est aussi le rôle que je pense qu'a le gouvernement et qu'a tous ceux qui se projettent un petit peu dans l'avenir. Ça ne peut pas continuer. Il y a des choses qui évoluent dans le monde. Il faut quand même les suivre, voire les devancer. Et cette réforme vise à devancer justement ce qui est en train de se produire dans le monde. Tout comme beaucoup d'autres réformes qui sont mises en place. Donc je pense qu'il y a vraiment cette... peut-être c'est cette impuissance de gens, et donc je pense que voilà, le gouvernement se bat actuellement aussi pour donner plus de capacité aux personnes pour qu'elles puissent se sentir en possibilité d'aller inventer quelque chose, d'aller chercher. Et en effet, du coup, on se retrouve face à plein de conservateurs qui disent bah non, on peut pas. Alors à demander le salaire à vie, là c'est encore autre chose. Si on est bloqué, on peut pas. Donc le gouvernement devrait nous donner tout. Non, je pense que c'est aussi quelque chose qui est vraiment à penser de façon internationale. En fait, c'est cette autonomie des personnes qui va pouvoir après, qui va être de personne à personne. Enfin, je veux dire, ça ouvre des champs aussi de rencontres interculturelles. Ça ouvre énormément de possibilités, en fait, de plus être cloîtré dans cette idée. Je vais rester dans ma famille, dans mon travail, dans ma maison. Et je pense que penser, en fait, cette réforme des retraites et gouvernement en termes d'expansion des libertés, ça nous permettrait d'avancer un peu plus vite. Encore une fois, formidable exposé, qui est très clair et qui omet à nouveau quelques petits détails. C'est sur la créativité. Ben en fait, en France, nous sommes confrontés à une population qui expérimente beaucoup de choses, qui fait preuve de beaucoup de créativité. Je pense entre autres aux projets tels que le projet Karma à Gonesse ou les ZAD diverses et variées qui sont tentatives de création d'alternatives, de changement justement, ce que vous prenez. Ben, toutes ces tentatives sont réprimées, de plus en plus sévèrement d'ailleurs, voire même avec criminalisées. Et donc, il y a contradiction dans votre propos. puisque le changement d'évolution, de nouveauté est réprimé. Et la seule qui est plus ou moins tolérée, voire même fortement promue, c'est une continuation du modèle que vous proposez. Voilà, je m'arrête. Ouais, c'est marrant parce que moi, j'allais dire répondre à Madame Macron, BlackRock, je sais plus quoi, que bah moi là, d'un point de vue strictement personnel, la réforme de la retraite, bah de toute façon j'aurais pas de retraite, je sais pas si je vivrais jusqu'à 65 ans, 70, je sais pas, ou je sais pas si le système, de toute façon si les deux tiennent jusque là, bah j'aurais pas cotisé, donc ça change pas grand chose pour moi. Et effectivement, le truc qui moi m'attirerait un peu dans ce que je voudrais bosser serait plutôt des choses du genre aller je sais pas, construire des yourtes au fin fond du Poitou ou de l'Ardèche. Bah pourquoi pas. Bref, créer un fonds de retraite pour les chasseurs, que enfin surtout les cueilleurs, enfin les chasseurs, je sais pas, je connais pas trop ce monde là, voilà. Oui, alors moi je voudrais m'adresser à vos experts pour savoir pour qui ils travaillent, en fait, vos experts. Parce que, par exemple, sur la pénibilité, tout le monde est d'accord pour dire, c'est vrai, il y a un problème de pénibilité. Il y a des gens qui, effectivement, à 50 ans, ils sont calés. Mais comment on va faire pour mesurer ça? C'est comme les robots de tout à l'heure. C'est trop compliqué. Comment mesurer la pénibilité sur les charges lourdes? En fait, c'est trop compliqué. Donc, comme c'est trop compliqué, en fait, on va mettre ça de côté. Donc, est-ce que vos experts sur ça, ils vont avancer ou pas? Premier point. Par rapport à l'argument du monsieur tout à l'heure, qui disait effectivement, si la retraite, le principe, si tout le monde met de l'argent à un pot commun, et que cet argent-là est ensuite réparti, il n'y a pas de frais. Il y a beaucoup de caisses uniques, il n'y a pas de frais de fonctionnement, il n'y a pas d'intérêt à payer. Et alors que si effectivement on passe par des privés, donc ça crée plusieurs canaux. Ça crée à chaque fois des coûts de fonctionnement, ça crée des intérêts, etc. Donc ça coûte beaucoup plus cher à la fin pour la collectivité. Donc vos experts, et comment justifiez-vous ce processus? Alors que le génie français, avec, Léon Valras, qui a inventé le système à la France d'État social, avec le système de nationaliser en fait les choses où on n'a pas besoin de concurrence. C'est le cas des retraites, par exemple. Le système de répartition aussi, qui a été inventé en France et qui aujourd'hui nous a envié à travers le monde. Alors vos experts, en fait, ils viennent de quel... Ils sont pas capables d'inventer un truc que tout le monde va nous imiter? Donc, je rappelle qu'il s'agit d'une controverse pour ou contre la réforme des retraites. Qui veut prendre la parole? Ouais. Je trouve très intéressant les échanges là. Moi, je passais en vélo et puis je vous ai vu. Moi, ce que je voudrais dire, parler un peu de solidarité. J'ai une amie d'enfance, elle vient de m'inviter à son pot de retraite, 56 ans. Elle était chef de service à la RATP, elle s'occupait des payes, 56 ans. Je suis allé à son pot, elle part avec 3100 euros de retraite réelle, hein. Je ne parle pas de ce qu'on lit dans les journaux, etc. Je suis content pour elle, c'est une amie à moi. Je lui dis, si j'étais à ta place, je partirais, je serais très content. Mais je lui dis, qu'est-ce qui justifie que tu partes à 56 ans? Parce qu'on parle de solidarité aujourd'hui. Et des régimes spéciaux, notamment la SNCF. Alors, il y a peut-être des gens qui sont à la SNCF, puis j'aime bien les gens de la SNCF, attention. Mais par exemple, un conducteur de train, j'en connais aussi. La retraite à 50 ans ou 52 ans, ça date d'après la guerre, je crois. Je ne suis pas un spécialiste, moi. Hein. Mais à cette époque-là, train, c'était les locaux, un peu Jean Gabin, là, ceux qui ont vu le film, La Bête humaine, le charbon et tout. L'espérance de vie, c'était 57 ans. Donc on pouvait donner la retraite à un conducteur de locomotive à vapeur à 57 ans, à 52 ans ou 50 ans, parce qu'à 57 ans, en moyenne, il était mort, ou à son espérance de vie étant. Donc aujourd'hui, un pilote, j'appelle ça un pilote, mais un chauffeur de TGV, c'est pas simple, mais c'est pas Jean Gabin sur la locomotive à vapeur. Donc voilà, la solidarité, les gens qui parlent de solidarité dans certains syndicats, que je respecte aussi, ben, ils sont en train de dire, ouais, mais nous on a ça, et on vous... C'est facile. C'est un peu comme quand j'étais jeune, Georges Marchais, il disait le SMIC à 1 million ou 10 000 francs. Voilà. Ouais, et comme disait madame, là, je ne sais pas où elle est, la dame de tout à l'heure, c'est le meilleur des mondes et tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, bah, il faut que la solidarité, elle vienne de partout. Les gens qui gagnent leur vie, il faut qu'ils donnent aussi. Et puis, je ne sais plus, monsieur, vous disiez, on met dans un pot commun, mais les gens qui cotisent pour les retraites aujourd'hui ne cotisent pas pour eux. Ils payent les retraites des gens qui travaillent. Ouais, c'est, donc, j'ai mal compris ce que vous avez dit. Donc, ça veut dire qu'on le sait tous, le rapport de 3 cotisants pour un retraité, on le dit aujourd'hui, et puis dans 10 ans, on sera à 1,3, enfin, je crois. Donc, il y a un problème. Et puis, je voudrais dire aussi, moi, je suis assez vieux pour avoir connu l'époque où on travaillait 40 heures. Hein. Et puis, je crois que la plus grosse erreur au niveau économique, mais madame a l'air bien, c'est les 35 heures. Parce qu'aujourd'hui, on dit, bah, plus les gens travaillent, plus ils cotisent. Les problèmes dans les hôpitaux, etc. Je pense qu'on a menti quand on a fait les 35 heures en disant, ça va créer des emplois. Ça n'a pas créé d'emplois. Et au lieu d'augmenter les salaires des gens, les salaires, et je comprends aujourd'hui les gens des hôpitaux qui sont pas forcément très bien payés, mais en même temps, il n'y a pas assez de monde. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, sans être un spécialiste. Très attentif, ce que vous mettez aussi. Je pense qu'il manque pas de monde pour travailler dans les hôpitaux. Je pense qu'il manque pas de monde aussi pour faire la fonction publique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient travailler sur ce terrain-là parce que c'est des métiers pour moi super. Comme un conducteur de train, il travaille pour l'ensemble de sa population, il permet la mobilité de chacun, il permet plein de choses. Donc je pense pas qu'il manque de gens pour travailler dans ces secteurs-là. Ce qui manque, c'est que on les paye et que ça dégoûte. Ce fait qu'on a passé dans les hôpitaux aujourd'hui les infirmières, c'est que les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Il y a de plus en plus de monde dans les urgences, il y a de moins en moins de personnel pour s'occuper des gens. Ils sont pas assez payés. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec ces conditions de travail, ce métier-là fait plus du tout rêver en France. Comme plein d'autres métiers, ces métiers-là font plus rêver parce que on sait derrière les conditions qu'on va manger pendant 40 ans pour faire ce métier-là. Et tout le monde n'est pas prêt à faire ces concessions-là aujourd'hui. Donc après, vous avez dit aussi l'argumentaire sur le nombre de cotisants par rapport aux retraités. Donc là, vous dites des chiffres super intéressants, mais ça montre aussi que, en fait, si vous ne réglez pas le problème économique, c'est-à-dire que mettre plus de gens en emploi, et ben de toute façon, de tout temps, et à un moment, on n'arrivera à plus financer parce qu'il n'y aura plus assez de travailleurs. Et aujourd'hui, depuis 40 ans, en fait, les politiques qu'on a fait depuis 40 ans n'ont pas amené du travail, n'ont amené que du chômage. Et aujourd'hui, on va avec 40 ans de politique, il y a aujourd'hui 10% de personnes qui sont au chômage en France. Donc ça fait qu'un chômage de masse. Et en fait, la meilleure moyen en fait de permettre pour moi en retraite, vu que c'est des cotisants qui payent, et ben le meilleur moyen c'est de mettre des gens au travail. Et pour ça, pour mettre des gens au travail, durant le temps de travail, pas 20 heures, moi je dirais pas 20 ou 25 heures. Puisque après, il faut aussi, je pense, réfléchir à madame aussi, hein, c'est pour vous. Est-ce qu'on veut des personnes âgées qui finissent leur vie avec des médocs parce qu'ils ont été. Parce qu'ils sont fracassés par travail, parce que voilà, leur condition de travail a fait qu'à 60 ans, ils sont fracassés, ils ont besoin de médoc, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin de tout ça. Ou est-ce que, justement, on essaie de réfléchir autrement, collectivement, et se dire, les gens qu'on met en retraite, on essaie qu'ils ne soient pas fracassés, mais qu'ils aient encore dignes. Et qu'ils n'aient pas besoin d'aller chez le médecin à 60 ans parce qu'ils sont fracassés du dos, qu'ils n'aient pas besoin d'avoir plein d'opérations, mais qu'on essaie justement d'avoir le contraire, c'est-à-dire de faire un cadre de travail satisfaisant pour que, à la fin de la vie, quand ils sont en retraite, ils puissent vivre et qu'ils soient pas fracassés de partout. Et la retraite aujourd'hui, la réforme qu'on a fait, ce qu'on a eu depuis 40 ans, ne répond absolument pas à ça et va dans le contraire de ce qu'est la logique, ce qui est une logique naturelle pour moi. Donc en fait, tant que, en gros, si vous aurez beau faire tout, ça ne sera pas changé, en fait, ça ne changera strictement rien aux choses. Et bien sûr que, les acquis sociaux qu'ont les cheminots, etc., faudrait que ça soit appliqué à tout le monde, il faudrait qu'on applique ça à tout le monde. Tout simplement. Et ça peut être financé par si on fait consommer des gens autrement, localement aussi. Et aussi, si on fait consommer localement, bah, la production et l'argent, ça va localement, ça disparaît pas. Et aussi, plus taxer le capital, etc. Mais ça, faut des politiques, faut deux personnes qui nous dirigent et il faut arrêter rien et qui servent à rien. En fait, moi, je voulais juste préciser deux petits points. sur, entre autres, le premier, c'est sur le rapport des effectifs des gens au travail du travail. Oui, effectivement, le français vieillit d'un point de vue statistique, puisque chacun vieillit plus longtemps, ça fait monter l'âge moyen de la population. Mais on ne faut pas oublier que la population française est en augmentation permanente. On est chaque année plus en plus nombreux, ce qui signifie qu'il y a aussi un renouvellement des jeunes. Et c'était sur le rapport des gens au travail. Oui, mais en fait, ce rapport des gens au travail, c'est les gens qui travaillent, qui cotisent, et il ne tient pas compte des gens qui sont au chômage. Comme il a été dit tout à l'heure, le chômage en augmentation va réduire le nombre de cotisants. Et le dernier point, c'est sur ce rapport. On est à cotisants retraités, il est d'à peu près 1,7, il va passer à 1,3 sans problème. Mais en fait, non. Le rapport d'1,3 indique juste que il est suffisant pour alimenter le système des retraites. Il sera plus juste, mais il pourra continuer à fonctionner. C'est s'il tombe à 1, il deviendrait plus viable. Mais tant qu'il est au-dessus, c'est viable. Ouais, moi je voulais revenir sur les arguments de monsieur. Alors, si on rentre dans une forme de rhétorique, moi je dirais que votre argumentation, elle est un petit peu grossière, dans le sens où en prenant l'exemple personnel. L'exemple de votre ami de la RATP. Bon, moi, je pourrais vous donner un autre exemple. Une personne qui travaille dans la gestion paye, dans la fonction publique, là, qui prend sa retraite à 60 ans et qui va gagner 1500 euros. Et cette dame que je connais me dit, en fait, elle est d'appartement. En fait, elle est pas propriétaire. Et donc maintenant, en fait, elle est obligée de continuer à travailler parce qu'avec 1500 euros, elle va pas s'en sortir. Donc la question que je vous pose, cette dame, dans 10 ans, quand elle pourra plus travailler? La question que je vous pose, comment elle va survivre, question. Ensuite, vous avez pris deux exemples aussi caricaturaux. C'est c'est l'image archétypale du mec dans le train. C'est l'exemple typique. C'est-à-dire qu'on prend, en fait, c'est comme les discours sécuritaires. C'est qu'on prend un cas extrême, réalité. Hein, c'est un peu les punitions collectives. Puisqu'il y a un qui est privilégié ici. Donc du coup, voilà, moi je... l'argument que vous dites sur le temps de travail, sur les 35 heures. Si on prend la vérité historique, l'an dernier, on travaillait 50 heures. Au milieu, on travaillait 30, on est passé après de 40 heures, 39 heures, 35 heures. Et là, et maintenant, en fait, la question, c'est que... Et pour la retraite, c'est pareil, ça réduit progressivement. Et là, maintenant, on revient en arrière. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait du progrès social, qu'on parte de plus en plus tôt à la retraite, qu'on travaille de moins en moins, qu'on ait plus de temps pour la culture, pour voilà. Donc du coup, voilà, pour moi, ce que vous dites, en fait, c'est un peu un discours réactionnaire contre le progrès social. Vous êtes pour le retour au chaos. Enfin voilà. Voilà les axes sur lesquels je trouvais votre argumentation un peu biaisée. Oui, monsieur le réactionnaire, mais je peux vous rendre la politesse, vous êtes réactionnaire, mais de l'autre côté, de toute manière, voilà, quand j'entends on peut augmenter les salaires, on baisse le temps de travail, vas-y, hein, pourquoi on l'a pas fait jusqu'à présent, on va se poser des questions, mais faut arrêter de monde de c'est la marmotte qui met le papier autour du chocolat. C'est pas ça la vraie vie, et justement cette fabuleuse réforme que ce fabuleux gouvernement a nous fait, on touche pas au système, c'est un système de solidarité, je rappelle, place le minimum de retraite de 1 000 euros, donc pensez à toutes les femmes et d'agriculteurs notamment, ou les agriculteurs qui, moi aussi j'ai une tante, tiens, qui est femme d'agriculteur, qui a aidé son mari toute sa vie, et qui aujourd'hui se retrouve avec une pension de 100 euros, un truc comme ça, et qui arrive à vivre tout ça parce que son mari est décédé et qu'elle a récupéré une partie de la retraite de son mari. Donc voilà, j'entends parler de solidarité, etc., etc., mais cette retraite, cette réforme, il y a ça aussi, et je pense que c'est très très bien. Moi je suis partagé, je suis à la fois pour, et puis je suis à la fois aussi contre, voilà, parce que c'est un peu le principe de la controverse. On peut être un peu changeant, voilà. Et... moi, je voudrais revenir sur le contre. C'est et on l'a souvent dit ici sur cette place publique, la place de la République, c'est que effectivement aujourd'hui, les métiers sont différents. On a certains métiers qui sont moins physiques, mais ce qu'on parle de moins en moins, en fait, c'est de la pression et des conditions de travail. Et aujourd'hui, malheureusement, certes, il y a des emplois qui sont peut-être moins physiques, et encore, quand vous avez quelqu'un qui est dans le bâtiment et qui manipule un marteau-piqueur toute la journée, je suis pas sûr que voilà ce genre d'argument puisse tenir. Mais on est dans un système où de plus en plus les gens, en fait, leur travail sont entre guillemets mis en compétition les uns et les autres. Et qu'en fait, c'est plus en termes, de risques psychosociaux, en fait, qu'on a des gens qui sont dans des bureaux, parfois dans des open space, à qui on demande sans arrêt des résultats. Ce qui était très intéressant, c'était le témoignage de cette chef de département de l'hôpital de la Salpêtrière, des gens qui ont démissionné cette semaine, des 1100 médecins qui ont démissionné, et qui disaient qu'en fait, elle se transformait en robot, et en demandant à ses équipes quand est-ce que les gens allaient partir de leur service. C'était le service, je crois, des diabétiques. Et du coup, en fait, on leur faisait des PowerPoint avec des couleurs jaunes et des couleurs vertes et des couleurs rouges. Vert, c'était bien parce qu'ils avaient passé que 3 jours à l'hôpital. Rouge, c'était pas bien parce qu'ils en avaient passé beaucoup plus, 6, etc. Et là, on parle de gens, on parle de santé. Et ça, en fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le service public, c'est exactement ce qu'on fait dans le privé, dans les entreprises à taille moyenne et grande. Et je peux vous dire que même quelqu'un qui bosse dans une entreprise de banque ou d'assurance, il va finir sa carrière s'il a pas fait un burn-out ou s'il a pas des troubles musculo-squelettiques au passage, il tiendra pas 64 ans. Tous les métiers qui sont en contact avec le public, c'est usant. Même les gens qui travaillent, etc., que ça soit le chef de la boutique, le manager, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, ou le simple entre guillemets vendeur. Je sais pas trop dans quel état il sera à 64 ans, mais je suis pas sûr qu'il soit profité de ma retraite et je vais voyager, etc. et dépenser le peu d'argent que j'aurai. Donc voilà, moi je suis partagé dans cette controverse pour et contre sur cette réforme. Il voulait besoin de toi d'abord. Parce que je croyais qu'il voulait réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Juste avant, non? Ouais, je sais plus ce qu'il a dit, mais non, je suis désolé. Moi, je voulais réagir sur deux points. Le premier, il faut quand même prendre en compte que dans cette réforme, la pénibilité aura largement sa place. Enfin, justement, ce qui était expliqué par le monsieur juste avant, c'est que dans certaines branches spéciales, il y a des métiers qui étaient plus maintenant. Donc, il n'est pas normal que les personnes partent à la retraite plutôt que les autres, alors que le métier est moins pénible. Dans d'autres métiers, peut-être, il y a des pénibilités qui seront plus reconnues. En sachant, et là aussi, il faut quand même arrêter, enfin, les gens qui sont cassés quand ils partent à la retraite... Oh, rappelez-vous, il y a 50 ans, ils voyageaient un peu, voyez un peu dans d'autres pays comment ça se passe. Même archi bien là-dessus. Il y a des soins qui vont avec. Donc la pénibilité sera prise en compte dans cette réforme, largement. Et il faut surtout, justement, avec ce système universel, l'idée, c'est que ce sera les métiers pénibles et non pas les branches qui seront pris en compte. Donc parce qu'on est à la RATP ou à la SNCF qu'on partira à 54 ans, mais parce qu'on fait ce travail-là à la RATP ou à la SNCF, par exemple, et dans plein d'autres branches. Donc ça, c'est quand même un des points principaux. Et puis, en effet, maintenant, et on le voit bien d'ailleurs, les retraités, pour beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, qui continuent à travailler après, etc. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est sur celui du sens. Quelqu'un a parlé du sens. Eh bien, je suis désolée de vous le dire, mais moi, je connais plein de personnes pour qui la compétition apporte du sens. Justement, parce que ça permet, mais ça sur se sentir capable de développer ses capacités. Alors, on est toujours dans cette idée quand même très conservatrice, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, en fait, cette compétition permet de se dépasser. Et c'est peut-être vers ça qu'il faudrait un petit peu qu'on aille pour éviter de se regarder un petit peu le nombril. Imaginez un peu, voyez ce qui se passe dans d'autres endroits du monde. Et c'est pas la question de c'est pire ailleurs. C'est plutôt que, en fait, quand on peut ouvrir sa créativité et développer d'autres choses, eh ben là, on peut se retrouver dans son travail. Et la compétition peut être une aide, justement, pour trouver du sens à son travail. Quelqu'un veut bien contredire tout ça ? J'ai soutenu avec vous la libéralisation jusqu'ici à travers l'auto-entrepreneuriat. J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit. Je pense qu'effectivement, je commence à prendre conscience que ça dégrade les conditions de travail aujourd'hui. Et j'aimerais avec vous faire un tout petit pas de côté. Et je m'interroge profondément sur quelque chose qui n'a pas du tout été soulevé et j'ai pas de réponse. Et du coup, c'est plutôt avec une question que j'arrive. C'est cette question de l'écologie qui, invite à repenser le modèle économique qui serait plutôt décroissant, avec une consommation moindre ou plus responsable. Et je me demande, en fait, dans un monde où les retraites sont basées sur le fait que des gens cotisent suffisamment, et donc c'est supporté par un modèle de croissance, comment ça peut être conciliable des retraites qui sont financées par une économie qui tendrait à la décroissance? Et je vous avoue que je bute un peu sur ce problème-là, puisque finalement, pour moi, la question, elle est moins de combien d'actifs pour combien de retraités, puisqu'au fond, la question, c'est juste de savoir si on pour payer les retraités. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les ressources, mais si on tend vers un modèle économique qui soit plus vers, qui serait plus vers la décroissance et propice à un monde soutenable pour demain, comment on envisage ces retraites qui soient payées par des actifs qui seraient, enfin, avec un modèle plus décroissant? Je me pose vraiment la question. Bah, on parlait tout à l'heure de taxer les robots, mais qu'est-ce qu'ils cotisent aujourd'hui? Enfin, physiquement, le travail humain, c'est seulement une partie de l'effort. Le gros de l'effort, il est fait par le pétrole. Donc, en toute logique, je dirais, faudrait taxer le pétrole. Mais bon, ça pose d'autres problèmes. Qui serait que si on taxe le pétrole, ça va faire monter le coût de la vie. Il va y avoir, c'était un peu le point de départ des gilets jaunes, enfin entre autres. Et donc, bah, en fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution à ton problème. Bah oui, ça, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si on est, je suis pas sûr qu'on ait des retraites. Enfin voilà. Alors, depuis tout à l'heure, je défends le point de vue contre la réforme des retraites. Et en fait, je me rends compte que tous les arguments qui ont été présentés évitent soigneusement de toucher le point principal de la nécessité de cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est inavoué, mais bon, il y a BlackRock qui fait un scandale, mais cette retraite, elle a pour but de capitaliser toute cette masse d'argent qui est énorme, qui est phénoménale, qui échappe à tout le système financier. En capitalisant cette somme, on va pouvoir financer les retraites et on va pouvoir générer des bénéfices qui vont être répartis entre les actionnaires. Et c'est là l'intérêt principal, c'est que cette répartition des bénéfices va financer de la croissance. Et cette croissance, l'amélioration du pays, l'accroissement du niveau de vie, et va permettre plein de choses. Et c'est cette croissance qui est une nécessité absolue. Quand j'entends parler de décroissance, je m'insurge, c'est-à-dire que en fait, on arrête la société. C'est ça, la décroissance. On est dans un mouvement perpétuel, on est en avancée. On a besoin de croissance. C'est un non-sens et une aberration fondamentale de penser qu'on peut faire de la décroissance. Lol. Et justement, c'est là où ça devient intéressant, puisque dans le cadre de cette logique de croissance complètement aberrante qui nous est imposée, le financement des retraites, eh bien, il est logique. C'est sur le produit de la croissance, sur le capital. Puisque cette croissance, entre autres par le biais de l'automatisation, de la robotisation, détruit les emplois, puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui vont avoir la possibilité de travailler ou de gagner pour générer plus de croissance, ben, taxons cette croissance. C'est aussi simple que ça, mais bon, c'est un peu utopiste. Et au fait, la croissance, c'est de la merde. Alors moi, je voudrais quand même rajouter un autre point, c'est qu'on pense un peu en termes franco-français. Comme je disais depuis le début, on est quand même dans un système mondialisé. Et si alors voilà, ceux qui prônent la décroissance en France, mais vous vous rendez même pas compte, vous avez aucune notion de comment fonctionne le monde en fait. Parce que là demain, voilà, les Français se disent on va rentrer en décroissance. C'est terminé pour la France. C'est terminé pour la France. On n'aura plus rien. On n'aura plus d'investisseurs. On n'aura plus rien. Les gens, ils vont crever de faim. Donc faut peut-être un petit peu réfléchir au-delà de l'aspect national parce qu'on est dans un pays riche et tout va bien, qu'on a des ressources, qu'on a de l'eau, qu'on a tout ce qu'il faut. Mais non, c'est le monde, il fonctionne pas comme ça. Et les aborigènes, il y a 7000 ans, ils fonctionnaient comment? Ils bossaient 2 heures par jour, ils étaient très heureux. C'est le maître du jeu, t'es pas... Bon, je suis pas censé parler. Donc, qui est pour et qui est contre? Du coup, pour l'argument du coup de la décroissance, je verrais pas ça plutôt comme une fatalité. Enfin, on peut imaginer un monde déjà où on se stabilise, où en fait on fait pas une course pour plus. En vrai, on aura toujours besoin d'une dose de médicaments qui sera stable. On aura besoin d'une maison, on aura besoin d'une voiture. Est-ce que on veut donner la priorité finalement à avoir 3, 5, 8 voitures pour la croissance, Finalement, faut pas non plus une. C'est que oui, bon, d'accord, on a. Comment dire, on prône toujours la croissance. Finalement, qu'est-ce que ça nous a apporté? Oui, on a l'impression de vivre mieux. Enfin, en tout cas, pour ma part, pas vraiment. Et finalement, on se rend compte que, par exemple, pour la de retraite, partir dans un système où on capitalise, c'est sûr, ça va peut-être donner plus dans les caisses. Mais aussi, on prend le risque de tout perdre. On prend le risque de se dire, bon, bah, peut-être on va perdre 30%, on va toucher moins de retraite. Et on va se dire, bon, bah, au moins, on a joué notre carte comme si on était au poker. Et on va essayer de faire plus. Là, on arrive quand même à avoir. Voilà, c'est normal qu'actuellement, on ait des problèmes pour financer, à mon sens. Parce que voilà, il y a un nombre d'actifs, il y a un nombre de. Voilà. Mais on produit quand même beaucoup plus. Voilà, avec les robots, avec plein d'autres choses. Des métiers qui ont été perdus, l'argent n'a pas été redonné, des actionnaires qui engagent. Et finalement, on nous demande encore de faire un effort, de se dire, bon, bah, voilà, va falloir capitaliser encore sur un point où, bah, pour l'instant, ça allait bien quand même. Et finalement, toujours le nivellement vers le bas. Pour moi, c'est juste ça. Après. Je voulais rajouter un petit point sur le mécanisme de la croissance. Pourquoi on a réduit le temps de travail? Et ça, c'est totalement inavoué derrière. C'est vraiment, en plus, c'est assez imperceptible. Parce que si on continue à travailler plus, si on continue à produire plus, chacun individuellement, dans notre société qui est déjà en surcroît, on ajoute un surcroît de surproduction. Donc il était impératif de réduire le temps de travail sans créer des emplois. Il était impératif de réduire la rentabilité des individus pour limiter cette surproduction et cette surcharge qui, à chaque fois que ça arrive, je pense au crash de 29, provoque un effondrement de la croissance, enfin, un krach boursier. Et on a servi, nous, de régulateur à ce krach boursier. Et là, actuellement, ce qui est en train de se jouer, c'est que, outre l'ouverture de nouveaux marchés financiers, en réduisant nos retraites, en obligeant à capitaliser, on joue également un rôle de réducteur de croissance, de réducteur d'emballement de la croissance. On va diluer une partie de cet effort, on va payer pour ça, parce que ça va nous coûter cher, et ça va permettre d'entretenir un système qui se perpétue, qui permet d'alimenter ces arguments sur la mondialisation. Qui veut prendre la parole pour ou contre la réforme des retraites? Ouais, moi j'aimerais bien un peu quand même dire juste qui est que le travail, est-ce que c'est quelque chose de bon pour la société? Est-ce qu'on peut pas essayer de penser à travailler le minimum pour être le maximum confortable et tous? Et donc peut-être dans un cadre comme ça, on n'aurait plus besoin. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Pardon. Non. Allez, donc moi je dis ça parce que oui, comme quelqu'un le disait, j'aurais pas de retraite non plus, j'ai pas cotisé, donc ça me concerne pas. Par solidarité avec ceux qui ont un système et qui pensent qu'on va les spolier. Et puis une inquiétude par rapport à toute cette envie de mettre main basse sur tout cet argent qui pourrait être utilisé dans l'annonce et qui ne l'est pas. Et ça me paraît une menace importante. Et en fait, c'est difficile de se positionner quand on est déjà dans un monde où on n'a pas du travail en permanence et où on essaye d'être, on n'a pas des heures de bureau à comptabiliser. Et en même temps, moi je trouve qu'on ne se pose pas assez la question de la toxicité du travail. Et dans ce cadre-là, pourquoi ne pas essayer d'estimer alors catégorie par profession l'espérance de vie? Et à ce moment-là, mettre 10 ans en plus, après 10 ans en moins par rapport à l'espérance de vie. Et comme ça, on laisse 10 ans à tout le monde. Mais encore faudrait-il pouvoir calculer vraiment l'espérance de vie par profession. Je ne sais pas si c'est possible. Mais et aussi, quelque chose aussi qui me paraissait bizarre, quand on parle de la pénibilité et quand on parle aussi de l'espérance de vie au travail... c'est vrai que c'est très très difficile de dire qu'on fait un système universel dans la mesure où les conditions de travail ne sont pas du tout les mêmes pour tout le monde. Alors voilà, encore une fois, un truc qui est que c'est donc une personne qui ne cotise pas, qui ne travaille pas forcément, de ce que j'ai cru comprendre, et qui dit faudrait que tout le monde repense le rapport au travail. Mais mon cher monsieur, si vous mangez actuellement et que vous êtes logé, c'est parce que d'autres travaillent en fait. Si d'autres travaillaient pas, bah vous auriez pas le RSA. Enfin voilà, c'est un peu la même logique. Comme c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un a parlé du nivellement par le bas, mais nivellement par le bas, quand on pense en termes mondiaux, il y a quand même de plus en plus de personnes dans le monde qui ont accès au confort. Mais comme nous, on est en France et qu'on a ce confort déjà qui s'est élevé énormément depuis 50 Seconde Guerre mondiale, maintenant on se dit ah ouais, peut-être le confort quand même c'est pas ça parce qu'on n'est pas très très heureux. Mais rendez-vous compte de ce que vous avez. Donc pensez que en fait d'autres ont le droit d'y accéder comme nous déjà. Alors parce qu'après on parle de solidarité en disant être contre cette réforme, contre d'autres choses, mais de quelle solidarité on parle, mis à part de nous on veut garder ce qu'on a pour nous, et puis bah ça tombe bien, il y en a toujours qui continuent à travailler, c'est grâce à eux qu'on vit, mais on leur dit d'arrêter de travailler, mais enfin soyez un peu logique quoi. On n'a pas besoin de tous travailler autant qu'on travaille maintenant, je veux dire c'est pas nécessaire. Un peu. Tu peux pas développer. Bon, en fait, à l'heure actuelle, à l'échelle mondiale, comme vous dites, ce qui génère le plus de croissance, c'est le capital. C'est 70% du capital qui génère la croissance, et c'est donc 30% du travail. À ce tarif-là, pourquoi faire plus d'efforts ? Et accessoirement, oui, je travaille. C'est bien, à temps plein, depuis un certain nombre d'années, je sais de quoi je parle, à quoi ça sert de travailler plus, ça n'a plus aucun sens. Et en fait, vous nous demandez toujours de faire un effort supplémentaire, toujours de faire des sacrifices supplémentaires, des efforts supplémentaires, le bénéfice de la croissance, il s'accumule ailleurs. Ontologiquement, il y a un problème. Moi, il y a juste une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est « faut-il perdre sa vie à la gagner ?» Voilà. Contre les retraites, la controverse continue. Qui veut prendre la parole? Les tenants du macronisme et ceux qui s'y opposent. Allez, on se déclare, on essaye de s'exprimer. Sinon je vais faire... Ouais. Donc madame, vous êtes en train de tacler sur les gens du RSA... Comme d'habitude, un tueur taqué sur les pauvres, qu'on a, c'est toujours intéressant. Hein. Je vais vous donner un exemple. En fait, dans votre système, si je comprends bien, c'est que le RSA ne doit pas exister. Donc ça veut dire aussi qu'en même temps, c'est que vous supprimez les aides pour les handicapés, puisqu'ils ne travaillent pas, c'est des feignasses. Parce qu'un handicapé, on sait tous, c'est une grosse feignasse. S'il a qu'à bouger un peu plus son cul, il aurait du travail en France. Je pense que vous oubliez un truc, madame, c'est que le RSA, ce n'est pas, comme toutes les aides, c'est pas par plaisir qu'on les demande, généralement. Avec un plaisir certain, généralement, qu'on les demande, c'est qu'on n'a pas de solution pour s'en sortir. Donc, je pense qu'en fait, le RSA est nécessaire, comme tous ces acquis sociaux. Mais je pense, aujourd'hui, de peut-être mettre de plus de finances dans la formation, par exemple, un outil qui vous permettrait de mettre des gens en emploi et de faire travailler ou de créer leur entreprise ou de créer une activité professionnelle qui leur correspond et qui leur font plaisir. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Bah, le RSA, en fait, vous aurez beaucoup plus de personnes à la rue. Et je pense pas que bénéfiquement, je pense pas que vous aurez beaucoup de bénéfices à mettre des gens dans la rue plutôt que derrière un toit et qu'ils soient chauffés en bonne santé et qu'ils soient dans des conditions dignes. En fait, vous proposez un système et BlackRock. En fait, un système où vous allez mettre les gens dans la rue, faire augmenter les coûts médicinaux, puisqu'on est gens dans la rue, on sait que ça rapporte, ça coûte beaucoup plus que ce que ça ne rapporte économiquement. Donc en fait, vous êtes pour un système qui va pour plus de dépenses, pour moins de bénéfices, tout simplement. Alors, encore une fois, complètement biaisé, est-ce que j'ai dit que j'étais pour supprimer la RSA? Je sais pas où vous avez trouvé ça. J'ai juste dit que ceux qui sont au RSA disent qu'il faut arrêter de travailler alors qu'ils ont le RSA grâce à ceux qui travaillent. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il fallait supprimer le RSA. Par contre, ce qui est développé avec le gouvernement actuel, c'est justement d'essayer que les personnes au RSA se mettent au travail pour partir aux autres, aux retraites et au reste. Voilà, alors j'ai pas dit qu'il fallait supprimer le RSA, hein, je vois pas où vous avez été chercher ça, donc bon, déjà on invente des trucs que n'a pas dit l'autre, bon ok. Et l'autre point, et c'est d'ailleurs la même fonction que les retraites, vous parlez des handicapés tout à l'heure, mais ah oui, et une autre chose, non seulement pas supprimer le RSA, mais vous savez que le gouvernement de Macron a aussi augmenté la prime à l'activité, par exemple. Bon, ça, non, vous n'allez pas en parler, vous allez dire que... Bref. Enfin, voilà, il y a plein... non, l'idée, c'est pas... par contre, quelqu'un a parlé tout à l'heure du salaire à vie. Bah, ça, salaire à vie, non, ou... que les gens arrêtent de travailler et qu'on leur donne de l'argent. Mais enfin, faut quand même se rendre compte un petit peu que l'argent, il apparaît pas comme ça. C'est parce qu'il y en a qui travaillent et on est dans... C'est un pays dans lequel il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui permettent aussi du travail. Enfin, il y a vraiment un problème de logique en face, là. Il fait rien du tout, l'argent. Ça, c'est... Effectivement, c'est pas par le travail que l'argent est produit. L'argent, il est produit par une machine qui produit l'argent, mais l'argent, il ne fait rien. Ce qui compte, c'est ce qui transformé par l'activité humaine. Ça, on pourrait dire que c'est du travail, disons. Et on n'est pas obligé de le faire dans un mode salarié, à travers une entreprise, etc. Monsieur, lui, il apporte tout ça ici. Bah, moi, je considère. Je sais pas. Vous faites la peinture chez vous, c'est du travail. Vous faites, disons. Même une compote, vous coupez des fruits, vous les enlevez, mettez à chauffer, ça c'est du boulot. Et plus vous avez de temps pour vous-même, plus vous pouvez faire du travail de ce style-là. Et c'est du travail qui sera souvent beaucoup plus utile que celui qu'on fait dans une entreprise. Ou à travers le système économique qui est formé aujourd'hui. Alors, maintenant... Pour la question de la retraite en elle-même, en fait, depuis les années 70, on voit qu'on donne de plus en plus d'argent pour les retraités. Ça a quasiment doublé, donc nous tous, on travaille plus pour donner à des gens qui vont être retraités. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ils font des choses. Ils vont garder leurs petits-enfants, bricoler des trucs, ils vont faire du jardin. Mon grand-père, il fait son jardin, il me donne les patates. Ça, c'est du travail. Et s'il était en train de bosser à faire un truc probablement beaucoup plus inutile, eh ben, j'aurais pas ces patates-là. Donc, donnez... Enfin, il faut considérer la chose globalement aussi. Et des fois... Bon, là, j'ai sorti un chiffre, mais la manière dont les chiffres du gouvernement sont discutés, c'est très biaisé aussi. Et voilà, je crois que je vais arrêter ici parce que j'ai déjà trop parlé. Non, tu peux continuer, c'était bien. Et alors, du coup, pour le comment dire, de la valeur du travail en soi, par exemple, avoir 10 millions sur un compte en banque et d'attendre que ça fructifie. On est d'accord que cette personne ne fournit en soi aucun travail. Que l'argent travaille de lui-même, oui, c'est prêté, c'est peut-être investi dans des fonds, mais la personne en elle-même, elle a récupéré peut-être cet argent-là d'un héritage ou d'un don, ou peu importe. Est-ce qu'on jugerait ça, du coup, comment expliquer ça? Voilà, admettons la personne gagne, à 10 millions, se fait des intérêts à la personne qui est au RSA, cet argent-là est complètement réinjecté dans l'économie. Ces personnes-là ne le gardent pas dans leur poche et ne fait pas travailler l'économie. Moi, justement, c'est ce côté-là de on garde nos ressources, on se fait de l'argent, on attend que ça passe avec, on est dans notre bel appartement, on attend que ça se fasse tout seul. Contrairement à une personne qui va tous les jours au 1002 et finalement tout cet argent-là va être directement remis dans le système. Techniquement, la personne va acheter peu importe n'importe quoi, il y a déjà 20% de TVA. Donc déjà, on peut partir du principe que tout ce qu'elle dépense, ça va contribuer à l'État. Donc elle cotise elle aussi pour son propre RSA. Donc que cet argent-là, c'est comme s'il se volatilisait. Et pour moi, une personne voilà, qui garde la richesse, qui fait de la spéculation, ces choses-là, finalement, est plus en tort qu'une personne qui va finalement gagner si peu et personne n'envie, en tout cas pas moi, n'envie de ne rien. J'ai des amis qui sont dedans. Enfin, quand on voit le nombre de postes disponibles juste par rapport au nombre de chômeurs, c'est quand même un contre-discours de dire il faut travailler, il faut y aller, il faut y aller, il suffit de se bouger les fesses. Il y a 300 000 emplois vraiment disponibles, on a combien de millions de chômeurs. Enfin, à un moment, il faut être quand même réaliste, on connaît les chiffres. C'est les gens au travail, mais finalement, on va enlever le RSA et dire bon, bah, ça va les forcer à aller au travail. Bah, s'il n'y a pas de boulot à la fin, ils feront rien, ils seront dans la rue, ça sera encore pire, et ils injecteront encore moins d'argent dans l'économie, ils consommeront pas, sauf qu'ils bah, ils consommeront pas de bouffe, rien du tout, et puis il y a un crevé dans la rue, on va être là, oh putain, ça me fait chier d'avoir des gens à donner tout le temps de l'argent dans le métro, ça me fait chier, bah finalement, ce côté-là de conserver l'argent et de croire que l'argent se produit tout seul en le gardant sur son compte, c'est quand même pour moi en soi bloquer tout le système en fait, voilà. Bon, il y a le dispositif qui fait que vous êtes tous de l'autre côté, mais il y en a d'autres qui ont le droit d'être d'accord avec moi aussi. Hein. Alors, trois choses par rapport à ce que vous dites. On aurait dû mettre le compte là, je me sentirais avec plus de gens. Bon, la première chose, encore une fois, personne ne parle de supprimer le RSA. Et bien sûr que le RSA participe à l'économie. Deuxième chose, sur le fonctionnement bancaire, quand vous mettez de l'argent de côté, ça va faire qu'il y a de l'argent en banque qui permette à d'autres d'emprunter. Parce que sinon, il y aura du fonctionnement bancaire. Donc, même ces gens-là qui ont leur argent qu'ils laissent dans la banque, bah, ils participent d'une certaine façon. Troisième point, ceux qui ont pas mal d'argent vont pouvoir investir, donner de l'argent. Et il n'y a pas que les actionnaires là-dedans, hein, y en a d'autres qui ouvrent et qui en développent. Et l'autre chose que vous disiez qui est encore biaisée, en effet, les postes disponibles, il y en a. Mais ce que je rappelle depuis le début, c'est qu'il y a des choses à créer. Donc c'est pas parce qu'il y a ce travail-là disponible que quand il n'y a pas assez de postes pour chacun, il y a plein de travail à créer. Et justement, quand on parlait tout à l'heure de la robotisation, ça permet de créer de nouveaux travails. Donc, je reviens sur cet aspect très conformiste de la France et très conservateur de « Ah bah si on nous dit pas quoi faire, on sait pas quoi faire, mais développer votre chronisme permet ça ». Ouais, moi je voulais revenir sur l'argument à chaque fois qui revient par rapport à la réforme des retraites. On nous dit, en fait, il y a trois possibilités. Soit on baisse les, soit on augmente la durée de cotisation, ou soit on augmente les charges. C'est tout le temps ces trois trucs. Hein. On dirait qu'il n'y a rien d'autre comme solution. Moi, je voudrais simplement dire une chose. Aujourd'hui, en France, il y a énormément de gens qui travaillent et qui ne sont pas déclarés, qui travaillent, comme on dit, au noir. Des milliers, il y en a, je ne sais pas combien il y en a, mais je sais qu'il y en a énormément. Maintenant, moi, je dis, voilà, on nous dit, le problème, c'est quoi ? En fait, il y a trop de retraités, il n'y a pas assez de cotisants. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est obligé de travailler plus, de gagner moins, etc. Alors, moi, je pose la question. Pourquoi, par exemple, si vous travaillez en France et que vous n'avez pas de papier, vous travaillez au noir, et que vous avez une preuve comme quoi vous faites ça depuis plus de 2 ans, et qu'en plus, vous avez des enfants qui sont nés en France, par exemple. Donc, on sait que ces personnes-là, en général, ils ne vont jamais être expulsés. On va dire, voilà, vous ramenez ces éléments-là devant auprès de l'État. Et l'État, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous régulariser. Donc automatiquement, vous allez cotiser, vous allez augmenter finalement les ressources. Et deuxièmement, on va réclamer à votre employeur les 2 ans de charges sociales qu'il n'a pas payé. Là, il va venir alimenter le trésor. Et ces gens-là, ils travaillent là maintenant. Au moment où je vous parle, ils sont en train de travailler, ces gens-là. Sauf qu'ils ne cotisent pas, leur patron ne cotise pas. Et donc tout ça, c'est un cercle vicieux. Et ce sujet-là, jusqu'à maintenant, je l'ai entendu aborder, que ce soit par des syndicalistes, nulle part. Alors que ça me paraît un argument de bon sens. Soyons très clairs. Il y a une chose aussi qu'on est en train d'oublier, c'est que ce système de cotisation par points, donc par euro cotisé, c'est un système qui est ouvert. Donc qui permet à chacun de choisir, de définir lui-même le montant de ses cotisations et le montant des retraites qu'il va pouvoir acquérir plus tard. Et donc c'est une liberté supplémentaire. Et là, je ne comprends pas pourquoi les syndicats s'y opposent, puisque de toute façon, chacun pourra se déterminer lui-même et non pas être contraint par les règles d'une corporation ou d'une branche ou d'une entreprise. Je reviens un peu genre sur les 10 millions et puis je vais un peu contrecarrer votre point. Votre point dans la réforme qui est présentée, c'est les syndicats et l'État en dernier lieu qui va donner une valeur d'un point. Donc ça veut dire en aucun cas en fait la vie permet d'avoir une retraite définie par rapport à ce qu'on cotise. Donc déjà, votre argumentaire du point ne tourne pas rond, est faux, puisque on sait quoi en pense Suède. Sur les crises financières, la valeur du point a baissé sur plusieurs années de récession. Donc on termine de points, on sait que le jour où l'économie va aller mal, on sait très bien que l'État, de toute façon, où il tape, c'est sur les pauvres. Donc on sait très bien que, de toute façon, les retraités ils vont taper dessus. Deuxièmement, sur les hommes de 10 millions sur un compte, après, ça dépend aussi dans quel investissement vous mettez votre argent, madame. Si la personne va mettre 10 millions d'euros pour du financier, juste pour faire la bulle financière, je vois pas trop d'intérêt, je vois pas comment il fait une société. Pour moi, il sert à rien et ça devrait être pas autorisé. Je vais vous donner trop d'argumentaires. Par exemple, une chose personnelle, vous lui dites oui, il faut former, il faut aider les gens. Alors ça oui, mais les structures donnent de l'argent. Je vais vous donner un exemple, Pôle emploi, dernièrement j'ai demandé une formation, puisque c'est quelque chose que je veux faire et qui me plaît. Et ce qu'on m'a donné comme réponse, c'est que non, vous n'aurez pas d'argent, puisque ce que vous demandez, ce n'est pas un emploi sur un emploi stable et vous n'aurez pas derrière. Donc en fait, même sur vos formations, madame, votre système ne marche pas, puisque vous préférez en fait donner que de l'argent sur des emplois qui donnent sur des secteurs qui donnent de l'emploi, mais pas donner de l'argent sur des gens qui vont pas peut-être dans des secteurs qui vont de l'emploi, qui vont faire de l'emploi, créer une entreprise et créer de la richesse nationale pour permettre à ce système-là de fonctionner. Donc même vos formations, ça marche pas, parce que par tous ces biais-là, en fait, on voit qu'il y a trop de critères pour des formations et que l'argent n'est pas donné automatiquement, et que je préférais en fait qu'on donne 10 millions dans, par exemple, la permaculture, dans ces choses comme ça qui permettent de nourrir des gens et qui sont écologiquement un peu plus responsables, que de donner 10 millions à des banques ou de permettre au système financier de continuer, ou de donner du financement pour prendre place. Vous avez parlé de l'intelligence qui développe ces choses-là, et qui ne sont pas sains écologiquement, qui créent de la pollution écologique énorme et qui ne rapportent rien. Et un robot, hein, je préfère aussi vous dire, un robot ça ne mange pas, madame, et ça se loge pas. Donc ça ne contribue en rien à l'économie nationale, et à part détruire des emplois qui pourraient être occupés par d'autres, mais ça ne se nourrit pas. Et en plus, ça pollue la terre par la fabrication. Et en plus, ça consomme de l'électricité, alors qu'un humain, il n'a pas besoin d'électricité pour marcher. Là, je viens de se nourrir. Donc votre argumentaire, ne fonctionne pas, est faux et très capitaliste. Comme tous vos argumentaires depuis le début, madame. Et bien, je me pose de nouveau une question, puisque depuis tout à l'heure, c'est que le problème, c'est qu'il y a des personnes qui profitent de ces croissances et d'autres pas. Et j'ai l'impression que l'idée sous-jacente, ça serait comme de répartir un petit peu les richesses, et notamment de pouvoir répartir les richesses à travers et que tout le monde puisse avoir une retraite décente. Mais la question qui n'est pas soulevée, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ces retraites ? J'ai l'impression qu'on a une conversation qui est un petit peu comme daté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effondrement des écosystèmes et réchauffement climatique, mais si le monde d'aujourd'hui se pose les questions sur comment répartir le pouvoir d'achat et comment faire en sorte que tout le monde puisse consommer plus, j'ai pas l'impression qu'on fait avancer la société et qu'on permette à nos enfants eux aussi d'avoir un pouvoir d'achat, puisque depuis tout à l'heure la question se pose de savoir comment on va faire pour répartir l'argent équitablement à travers les retraites pour que tout le monde ait un pouvoir d'achat décent. Mais la question, voilà, que je vous... Le pouvoir d'achat, mais pourquoi répartir les richesses? Oui, mais à quoi bon si nos enfants, eux, n'auront pas de pouvoir d'achat puisqu'ils n'auront peut-être même pas d'air à respirer? C'est un petit peu la question que je me pose en ce moment et qui n'est pas du tout abordée dans cette question des... Je vais pas répondre à monsieur directement parce que son parti pris écologiste me semble justement un parti pris que je partage totalement d'ailleurs. Sur la capacité de formation ou de trouver des emplois, bon, effectivement, oui, Pôle emploi, visiblement, ça marche pas aussi bien que ça qu'il ne le devrait. Mais enfin, il y a des alternatives maintenant. Inscrivez-vous sur LinkedIn, vous trouverez certainement plus facilement un emploi. Et maintenant, entre autres avec Internet, que vous semblez vouloir décrier, il y a toutes les possibilités d'auto-formation qui sont possibles. Vous pouvez tout y trouver et vous pourrez y trouver toutes les solutions pour vous former et développer vous-même votre propre activité si vous le désirez. J'en doute. Et puis cet argument écologique, tout à fait valable d'ailleurs, qui est biaisé parce que le fait que, en fait, c'est pour nous dire que il faut changer notre société, qu'elle n'est plus viable. Mais au contraire, tout le travail du gouvernement est de faire de prolonger la société et de le rendre viable le plus longtemps possible. Et effectivement, à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un en paye le prix. Ça peut pas être tout le monde. Je suis désolé pour ceux qui vont payer, quoi. Alors, avant de répondre à ta question, je voudrais de l'économie virtuelle, économie réelle, économie financière avec le principe de ruissellement. Moi, la critique que j'ai par rapport à la retraite par capitalisation, puisque c'est à ça qu'on va être obligé d'aller, vu que les pensions vont être tellement faibles, c'est que, en fait, l'idée, c'est de nous rendre tous complices du système actuel. Tous, on cotise tous à des retraites par capitalisation. Donc, en fait, on va tous devenir ici des actionnaires de BlackRock. On aura tous des intérêts, parce que BlackRock se casse surtout pas la gueule, parce que c'est BlackRock qui va nous garantir notre retraite. Et le problème, c'est que BlackRock, comme les fonds de pension, c'est qu'ils alimentent pas l'économie réelle, celle qui fait travailler les gens concrètement, mais qu'ils alimentent l'économie financiarisée. Et donc l'économie, la fameuse économie des milliardaires, des dividendes, des licenciements de masse, des délocalisations. Et donc du coup, derrière cette idée de retraite par capitalisation, il y a l'idée finalement de créer une sorte de capitalisme participatif. On sera tous complices du système. On aura tous intérêt à ce que ce système perdure. Donc voilà, première perversion du principe par capitalisation. D'où l'éloge du modèle français par répartition. Parce que c'est un modèle qui entretient une solidarité générationnelle et où, finalement, le pouvoir économique n'a pas de mainmise. Parce que c'est un système solidariste, coopératif. Et ça, pour moi, c'est génial. C'est même dramatique. Ensuite, sur la question de que font les retraités de leur retraite. Ça pose, là encore, on revient à la question de l'économie financiarisée, l'économie réelle. Dans l'économie réelle, on devrait distinguer les besoins nécessaires des besoins artificiels. Et d'où justement l'idée d'établir un montant de retraite minimum qui permette à chaque retraité de satisfaire leurs besoins nécessaires. Alors bien sûr, tout le monde dira ici, ouais, mais comment tu distingues le nécessaire de l'artificiel, puisque la question du désir est aussi historique, sociale, culturelle. Ben, on pourrait déjà partir des besoins physiques. Il faudrait que chaque pension permette à chaque citoyen de se loger, de se nourrir, de se chauffer, enfin de répondre à tous ses besoins fondamentaux nécessaires. Voilà. Et après, tout ce qui est au-delà, tout ce qui est superflu et qui peut avoir des impacts négatifs sur l'environnement, et même d'imposition. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est que les richesses, il faut bien le dire, sont concentrées chez les vieux. Hein, y a une forme de gérontocratie, hein, faut être franc. Donc on peut aussi partir de ce principe-là en disant qu'on va aussi peut-être, si on a un retraité qui a 10 000 comptes, et que s'il a 3 000 euros de retraite, ça lui suffit pour satisfaire ses besoins nécessaire, ben on peut très bien, un peu à la Piketty, tu vois, récupérer tous ces milliards et les remettre dans le pot commun. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, parce que là, il y a au moins une proposition. Pour moi, ce qui est important, c'est que les personnes aient le choix. Mais alors, justement, vous pouvez inventer un fonds de pension qui alimente l'économie réelle. Super, comme ça, les personnes auront le choix pour cotisation, d'aller alimenter soit des fonds de pension comme BlackRock, soit d'aller alimenter des fonds de pension qui vont rejouer dans l'économie réelle. Il faut que les personnes aient le choix, c'est ça le principal. Alors que comme, alors là, votre deuxième option, c'est on va leur prendre leur argent de ceux qui l'ont gagné, bah là non, là je suis pas d'accord. Par contre, eh ben, si est-ce qui est partagé par la majorité des gens, eh ben, dans ces cas-là, toutes les personnes iront faire leur cotisation dans l'économie réelle. Alors par contre, je voulais aussi revenir sur quelque chose qui était complètement contradictoire, qui a été dit tout à l'heure. Sur la robotisation, je sais pas comment on peut sortir une phrase pareille, je sais pas où est la personne. Les robots, ils participent pas à la consommation et ils polluent. Excusez-moi, mais les humains qui participent à la consommation, ils polluent. Donc là, j'ai du mal à comprendre des fois la logique. Pour rebondir, en fait, les robots polluent. Oui, les robots polluaient. Il faut être précis. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on obtient de bien meilleurs résultats. Et un robot permet de faire un travail bien polluant et bien plus économique en énergie qu'un être humain qui mécaniquement va gaspiller l'énergie, va gaspiller la matière première et va mettre beaucoup plus de temps. Donc au final, le robot est plus économique et en plus, il libère l'être humain de tâches fastidieuses, pénibles, pour nous, pour lui permettre de se consacrer à d'autres créativités. Non mais il y a un truc qui va pas, le robot il est où? Même s'il pollue pas ton robot, il est dans une usine qui produit quoi? Des trucs pas écolos qui sont cool pour la planète? Si t'as une armée de robots qui produit des trucs inutiles et toxiques, même si ton robot il est écologique, il contribue à une activité néfaste. Et bien justement, c'est l'occasion de créer de nouvelles activités qui pourront permettre de contrer ces problèmes. Il n'y a pas de preuve. En plus, ça va alimenter la croissance. Bonjour. En fait, ce que je voudrais dire, c'est j'ai l'impression que moi, je suis contre cette nouvelle réforme parce que le système de la pointe, c'est la possibilité, c'est Fillon qui l'a dit, c'est la possibilité de pouvoir contrôler le point très facilement, donc diminuer les retraites. Et puis l'idée, c'est que les gens vivent de plus longtemps, donc coûtent de plus en plus cher. Donc la question, c'est comment on fait pour avoir l'argent pour pouvoir continuer de payer ces retraites? Et moi, je pense que c'est ça la vraie question. En réalité, il y a plus de 220 milliards tous les ans qui sont pas payés en fraude fiscale, en évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale dont on est tous sûrs et certains, on est tous d'accord pour dire que ça devrait être illégal, mais parce qu'il y a un trou dans la loi qu'on pourrait boucher, mais qu'on laisse ouvert. Et la question, c'est pourquoi on laisse toujours ouvert ces trous? Pourquoi on les ferme pas? Parce qu'en fait, les personnes qui sont au pouvoir, qui décident des lois aujourd'hui, font partie des 0,1% les plus riches de la personne. Dès qu'on devient parlementaire ou sénateur, on a un salaire qui nous propulse dans les hautes sphères de la richesse. Donc forcément, on va arrêter de défendre le peuple et on va commencer à défendre ses propres intérêts d'ultra-riches. Et de pouvoir faire de l'optimisation fiscale, c'est une manière de pouvoir payer encore moins d'impôts quand on est très riche et qu'on sait comment le faire. Et cet argent, c'est ça le trou qui nous manque. C'est 220 milliards, c'est beaucoup plus que le trou qui nous manque en fait. C'est plus de 100 à 200 fois plus que le trou qui nous manque. Et je pense que donc la raison, parce que j'ai pas envie qu'on diminue ce qu'on a déjà et pour moi qui est pas assez, il y a plein de gens qui n'ont pas suffisamment de retraite, on va pas demander à ces gens-là de diminuer. Moi, je pense qu'il faut juste prendre l'argent aux personnes qui fraudent, qui sont dans l'illégalité, qui ne devraient pas faire ça. Et puis on va créer de l'emploi en plus quand on va le faire parce qu'on va avoir des contrôleurs fiscaux. Je suis pas non plus fan des contrôleurs fiscaux, voilà, mais en même temps ils sont utiles à la société dans le sens où c'est cet argent-là qui nous permet de payer les retraites et aujourd'hui il est manquant. Ouais, merci pour ton intervention parce que c'est ok la question de la taxe robot dans laquelle en fait les experts actuels nous expliquent que c'est très compliqué à taxer les robots pour tout un ensemble d'arguments que je ne vais pas revenir dessus. Ensuite il y a la pénibilité. Oui, c'est vrai, mais c'est trop compliqué, en fait, à calculer la pénibilité. C'est trop complexe. On peut pas faire ça. Ensuite, il y a l'effectif fiscal. Et là, c'est pareil. Hein, c'est toujours le même argument. Ah ouais, mais c'est trop compliqué parce qu'en fait, on peut pas. À chaque fois, c'est on peut pas, c'est trop compliqué, etc., etc. Donc effectivement, je te rejoins. Tout ça, c'est pas on peut pas. C'est on veut pas. Voilà, c'est clair. Et par rapport à l'idée des fonds qui alimenteraient l'économie réelle, là, je pense qu'il y a peut-être une erreur économique. Parce que le retraité, quand il va choisir son fonds de pension par capitalisation, il va raisonner en bon économique, en bon... il va dire, voilà, je cotise tant, j'aurai tant. On peut s'attendre à ce qu'il choisisse l'option où il va avoir le plus. Donc il va optimiser lui-même son investissement. Et donc comme l'économie financiarisée produit plus de cash que les classiques, quoi... Donc du coup, cette idée-là de capitalisation éthique, moi, j'y crois pas trop. C'est un peu comme le capitalisme vert, tu vois. J'y vois un truc un peu... Je pense que c'est plus une arnaque qu'un truc de l'avenir, quoi. Par contre, là où je rejoins l'idée de choix des cotisants, c'est par exemple sur notre bulletin de paye, on a une cotisation qui s'appelle contribution au dialogue social, je crois. Et cette contribution, qu'on paye tous, en fait, elle permet de financer les syndicats. Mais tous les syndicats. Et moi, je pense que là, on devrait avoir notre mot à dire en tant que citoyen pour dire voilà, moi, ma cotisation, je veux qu'elle finance tel syndicat, voire même un syndicat autonome. Ou... Et pareil pour les partis politiques. Pour justement séparer le politique de l'économique, on pourrait imaginer une cotisation, non pas seulement pour le dialogue social, mais pourquoi pour la vie politique, où on cotiserait tous, mais on aurait tous aussi le choix de dire voilà où je veux que cet argent aille. Et ce serait peut-être presque un moyen même de sortir de l'élection. Tu vois, ce serait vraiment un nouveau modèle finalement du politique pour éviter justement que ces 0,1% ils nous écrasent comme des insectes. J'ai l'impression que dans ces dernières interventions, on est enfin rentré un peu dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder deux chiffres. L'un, c'est les 5 milliards de déficit par an des retraites. L'autre, c'est, et je prends la fourchette basse, c'est les 100 milliards qui partent dans la fraude fiscale chaque année. Donc qu'est-ce qu'on vient nous emmerder avec ces 5 milliards de retraites quand on voit qu'il y a 20 fois plus, fourchette basse encore une fois, qui part dans la fraude fiscale. N'importe qui a dépassé la classe de CE1 sait que 5, c'est beaucoup plus petit que 100. Et je crois pas à la bêtise de ce gouvernement. Je pense qu'on a des gens très intelligents, très compétents, mais des gens uniques. Est-ce que le gouvernement préfère regarder la paille dans l'œil des retraites plutôt que la poutre dans l'œil de la fraude fiscale? Je pense que c'est pour une raison très simple, et que vous la connaissez tous. C'est qu'il doit renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'ont fait élire. À moins que quelqu'un ait une meilleure explication. En deux points, très rapidement. Pour mieux lutter contre la fraude fiscale, le gouvernement actuellement développe des algorithmes afin de mieux traquer les fraudeurs. Et pour financer ces algorithmes, grosso modo, d'ici 2025, la moitié des effectifs du contrôle fiscal aura disparu. Voilà l'effort du gouvernement en la matière. Et il ne faut pas oublier que le gouvernement est actionnaire de Total, d'Aquitaine, de Carrefour, d'Airbus Industries. Qui sont de très gros fraudeurs fiscaux. Bah non, j'explique pourquoi il faut s'en prendre aux retraites. Ça va pas être très clair, mais quand plusieurs fois, notamment vous avez parlé de économie réelle et virtuelle ou finance réelle et virtuelle. Bon. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui effectivement s'enrichissent en faisant des opérations compliquées, des ordinateurs, etc. Mais à la fin, ce que eux, ils ont des participations dans des entreprises comme BlackRock devient un symbole de ces trucs-là. Mais eux, ces entreprises-là possèdent aussi des réelles entreprises à qui ils demandent plus de rentabilité. D'accord ? Et cette rentabilité, ça retombe sur nous à la fin. C'est-à-dire, je sais pas, vous faites des avions, vous êtes Airbus, vous faites des avions. Avant, on vous demandait 2% de rentabilité. Maintenant, on vous demande 10%. Et vous vous démerdez. Vous devez faire ça, quoi. Et ça, c'est c'est très réel. Et moi, parce que ce truc de virtuel ou capitalisme financier et tout, non, c'est hyper concret, quoi. C'est-à-dire sur toutes les personnes. Tous les secteurs, je pense, de l'économie sont touchés par ça et on demande plus, tout le temps. Pour qu'à la fin, il y a quelques mecs devant leur ordinateur s'asseyant chez eux, gagnent énormément plus. Voilà, c'est ça, juste, je voulais dire ça. En fait, la distinction réelle et virtuelle, c'est par rapport aux richesses créées. Réel, c'est par exemple le cuisinier qui va fabriquer sa tambouille, qui va la vendre, et là il va créer de la richesse qui est réelle. Alors que l'économie virtuelle, en fait, c'est de l'argent qui est créé de façon ex nihilo. C'est en ce sens-là que je distinguais le réel et le virtuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, avec la création monétaire, tu as des centaines de milliards de dollars qui viennent de nulle part, en fait, tu vois. Et tout ça, c'est une bulle énorme qui est une bulle virtuelle. C'est un truc mathématique qui n'a aucune correspondance à un travail réel. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire. Moi, je reviens au point clé. C'est comment faire en sorte que ces 0,1% arrêtent de nous écraser. Parce que le constat, on l'a fait. Et là, je reviens contre l'argument de dire que c'est injuste de prendre l'argent aux milliardaires. Parce qu'ils l'ont gagné, ça se fait pas, c'est injuste. Et moi, je voudrais apporter un argument rationnel, économique, et dire, voilà, est-ce que les milliardaires sont utiles économiquement à la société ? Alors, selon la théorie du ruissellement, oui, ils sont utiles. Mais aujourd'hui, tu as des économistes importants qui démontrent, avec des statistiques, que dans la mondialisation actuelle, les milliardaires sont, non seulement ils sont inutiles, mais ils sont nuisibles. Donc en fait, l'argument du ruissellement, il tombe de lui-même. Et donc le fait de dire que demain, on va récupérer tous ces milliards, non seulement c'est tout à fait juste, parce que l'inégalité sociale est une source de la crise écologique, mais en plus, c'est utile économiquement, parce que ça va permettre justement de nous débarrasser de ces 0,1%. Donc voilà pourquoi je suis pour justement l'idée de déposséder de tous leurs milliards, parce que c'est nécessaire et utile. Comment répondre à cet argument inquiétant ? Personnellement, déjà, sur la tête, moi j'ai 500 000 euros, je suis petit porteur chez BlackRock, je ne parle pas de mes parts à la banque Lazard, et donc effectivement, j'ai tout intérêt à ce que ces sommes fructifient. Pourquoi ? Parce que, outre mes autres investissements, j'ai un revenu suffisant. Je me permets de consommer. Hein, et oui, je fais participer à l'économie quand je m'achète une nouvelle Lamborghini, quand j'achète un nouveau tableau de maître, quand je pars en croisière, 3 étoiles, enfin, palace. Excusez-moi, les 3 étoiles. Et oui, je participe à l'économie et je fais vivre les entreprises. Quel est votre problème là-dessus ? Mon problème est très simple. Voilà, là, tu as pris l'exemple parfait. Tu as dit, je suis milliardaire, je m'achète une Ferrari. Tu sais ce que ça crée, ça, comme conséquence ? Ça crée des conséquences mimétiques. C'est-à-dire que le mec qui va gagner 2000 ou 3000 balles par mois, le truc qu'il va faire, il va se dire, putain, j'aimerais bien avoir un 4x4 comme ça, moi. Et maintenant, tu as plein de 4x4 à Paris. Et donc, ça pollue la planète. Donc, tu vois en quoi les inégalités sociales, les conséquences écologiques catastrophiques. Parce qu'en achetant ta Ferrari, en fait, tu donnes un super mauvais exemple aux gens. Et donc, tu es nuisible à la société. Je me pose en faux, puisque de toute façon, j'investis régulièrement des sommes importantes dans différents centres de recherche qui développent des solutions alternatives et des moteurs plus écologiques, moins gourmands en carburant, qui développent, regardez les résultats formidables qu'on a avec le moteur électrique, etc. Non, c'est faux. C'est grâce à nous qui gagnons de l'argent que l'on peut développer ces alternatives écologiques. C'est pas selon son coin qui essaye de cultiver son champ qui va changer la face de la planète. Ouais, mais tu m'as toujours pas répondu sur le 4x4. Est-ce que moi je m'appelle innocent, mais sachez que en tant qu'un être humain, il respire, même si malgré il a toujours les millions dans sa poche, il respire gratos. Sa respiration là, c'est pas son père qui le permet à respirer. Mais malgré ils ont des millions, il dort bien, il vit bien. Mais ils ne savent pas que sans nous, ils ne pouvons pas arriver à ce niveau-là. Respecte ton grand-père, donne-lui la vie de revivre dans ta vie. Parce que sans lui, tu as ce niveau-là. Frère, ne sois pas hypocrite dans ta vraie vie, frère. Tu respires, est-ce que tu paies ta respiration ? Ta respiration-là, tu as déjà payé ? Depuis que tu es né petit temps, jusqu'à ce niveau-là de vie, frère. Oh, il comprend pas la politique, quoi. C'est à cause de ça, il nous baisse la gueule. Je vous remercie, hein. Mais les grands hommes, là, ils sont ignorants de la vie qu'on mène. Tu peux pas laisser un être humain dormir dehors comme un chien. Lui-même, sur le banc, il va comprendre qu'est-ce que c'est la vie à 3h du matin, frère. Je sais pas, vous votez la loi pour des gens qui connaissent même pas la loi, frère. Mais c'est égoïste, c'est la méchanceté. Au nom de ma mère, je préfère mettre 2 balles dans la tête du président de la République pour lui dire que je ne l'aime pas, parce qu'il est égoïste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Vous vouliez parler ? J'étais en train de me demander si j'avais bien compris. Non, je ne sais pas si j'ai pas très bien compris le propos qui vient d'être émis. Mettre 2 balles dans la République, enfin, je ne sais pas dans quel monde on vit. Par les temps qui courent, les choses en prennent emprunte une voie tellement radicale, tellement violente, c'est à un moment donné, il faut avoir là qu'on se ressaisisse quand même. Alors il y a des injustices, c'est sûr, par les moyens démocratiques, mais on arrivait à des moyens absolument incroyables qu'on vit dans la société. Et qu'est-ce que je viens d'entendre ? Effectivement, le type qui vit dans la rue, la nuit, dans le froid, c'est une injustice flagrante à laquelle il faut apporter des solutions. Bien, je parlais de mettre deux balles dans la tête d'un république, d'un président de la République qui a été, somme toute, élu démocratiquement. Il n'y avait qu'à pas les lire, lire un autre. Voilà. Cette tendance actuelle dans la société m'inquiète. Mais je suis parfaitement une minorité. Une minorité agissante, mais une minorité. Parce que la grande majorité, je pense qu'elle est plutôt pour des solutions démocratiques débattues, contredites, avec des mesures adéquates et non pas par la violence. Voilà. D'accord. Mais alors, notre controverse a du succès. Je pense que ça fait déjà un moment, 2 heures. Mais s'il y a toujours des arguments, on peut continuer. Donc, pour, contre. Bon, ça va être un peu brouillon parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, mais j'ai à peu près tout oublié. Donc moi, je voulais soulever l'idée qui a déjà été soulevée. Effectivement, là, on nous impose un débat, on nous impose une énième réforme, alors qu'il y a des garde-fous qui n'ont toujours pas été essayés, comme les taxes sur les robots, les taxes Tobin, tout ce genre de choses. Et toutes ces aides, elles sont aussi désacquises parce que de toute façon, de fait, ce système crée du chômage, crée de la pauvreté, que ce système est inégalitaire puisque, bon, c'est un système particulier, mais de toute façon, pour quelque chose de global à l'échelle planétaire ou même d'une nation dans laquelle se trouvent des millions de gens, je ne pense pas qu'un système parfait puisse exister. Néanmoins, voilà, il y a plein de choses qui sont proposées depuis que le capitalisme posé et qui n'ont pas encore été essayées et pourtant qui ont été proposées 1000 fois. Et que, c'est encore un effort effectivement qu'on demande au peuple sans essayer les efforts qui toucheraient, qui sont bien heureux de ce système comme il est et qui comptent encore déployer un peu plus leur poche. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pour les robots aussi, pour revenir sur le point écologique, les robots, certes, on va peut-être les optimiser, mais les robots, on sait qu'on en fabrique. L'année suivante, on en fabrique des meilleurs, donc on remplace les machines. Après, 2 ans après, il y en a des encore meilleurs, donc on remplace celles qui existent déjà, ceux qui existent déjà, et ça n'a pas de fin. Or, les ressources sont limitées, on le sait, et ça sert à rien de se dire que... l'humanité, elle survit quand même depuis 100 robots, et c'est peut-être ce monde dans lequel on est né là maintenant, qui effectivement prend une trajectoire un peu étrange, un peu inhumaine, et qu'il faudrait plutôt se dire, écoutez, on a les robots qu'on a maintenant, qui peut-être enlèvent de la pénibilité, sûrement enlèvent de la pénibilité dans beaucoup de domaines, gardons ceux-là comme ils sont, entretenons-les, on n'a pas besoin d'en créer d'autres, on va faire avec ce qu'on a là. Et ce qu'on peut créer, effectivement, ça va être quelque chose qui va nous permettre de choisir d'autres voies, pas d'optimiser le capitalisme encore, la surproduction. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors je suis contre cette réforme des retraites également, parce qu'effectivement, je la trouve complètement inégalitaire et injuste, parce qu'elle fait travailler... des personnes qui sont déjà dans des grandes précarités au travail. Donc je comprends même pas ce qui se passe dans la tête du groupe qui a pensé cette réforme. D'autant plus que toutes les manifestations qui ont eu lieu, les discussions avec les syndicats ont été quand même assez claires sur le fait qu'on n'en voulait pas. Et il y a un dialogue, à mon sens, c'est quand même, pardonnez-moi l'expression, mais c'est du foutage de gueule. Moi, le discours d'Edouard Philippe en décembre m'a beaucoup énervé pour rester poli. Et là, ce qui est en train de se passer ne me rassure pas du tout. Par contre, pour revenir sur les questions de fraude fiscale, qui sont effectivement complètement d'actualité, et le gouvernement est au courant, puisque le Brexit, qui est annoncé depuis 2016, qui se concrétise enfin aujourd'hui, est l'occasion de l'Union européenne, mais donc la France, en tant qu'État membre, pour enfin rajouter des contraintes contre surtout les multinationales qui pratiquent de l'évasion fiscale, mais la fraude également, parce que c'est ce que vous avez dit, l'évasion, c'est de l'optimisation. Alors, une infraction pénale, donc c'est un autre niveau, mais c'est souvent lié. Et là, en fait, aujourd'hui, on arrive à un moment où, comme les Anglais ont quitté l'Union européenne, ils vont vouloir négocier un accord de libre-échange, type CETA. Et cet accord de l'Union européenne devra être validé, devra être ratifié par tous les parlements de l'Union européenne, dont la France. Et donc, aujourd'hui, on a un moyen de faire pression sur les Anglais et donc de lutter d'autant plus contre la fraude et l'évasion fiscale et donc de l'argent pour pouvoir financer les retraites et éviter à des personnes qui sont déjà en précarité de mourir au travail. Parce qu'en fait, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre, l'Union européenne, on va recommencer plus simplement, l'Union européenne est un des fers de lance au niveau international pour la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il y a des directives européennes sur le sujet. Le Royaume-Uni, en tant qu'État membre, a toujours mis des réserves pour que ces directives s'appliquent sur ses territoires. Donc tout ce qui est île Vierge britannique, les Bermudes, etc. C'est là où ça se passe, la fraude et l'évasion fiscale. Là, aujourd'hui, les Britanniques veulent rentrer dans le marché de l'Union. Là, on a un moyen très clair de dire dans les négociations, si vous voulez avoir, très bien, mais dans ces cas-là, vous allez vous plier aux règles fiscale, de transparence fiscale, de communication. En fait, concrètement, c'est ça. C'est chaque administration fiscale a un droit de regard et de demande d'information auprès des différentes administrations pour pouvoir suivre et éviter que l'argent se volatilise. On va pouvoir faire ça. Et là, on a un moyen de levier. Bizarrement, avec le Brexit, on a plus de pression contre eux que jamais. Le gouvernement le sait. Au niveau du timing, il aurait pu attendre un an, il aurait pu essayer de négocier ce genre de choses, il aurait pu au moins faire semblant d'essayer de trouver une solution que tout le monde connaît avant de faire cette réforme dont personne ne veut. Qui la veulent vraiment. Il y a plus d'un an, plus d'un mois et demi de gens, plus d'un mois et demi de grève. Enfin, c'est du jamais vu. Et pourtant, il n'y a pas vraiment d'alternatives qui sont proposées alors qu'elles sont actuelles et donc je vais finir là-dessus et pour vous dire que finalement donc toutes ces questions-là sont possibles, il est encore possible d'agir parce que donc on s'est avec un ami on s'est motivé pour contacter des députés sur cette question qui ont été sensibles et qui ont effectivement rédigé une résolution qui est publiée sur le site de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y en a 67 députés qui ont signé cette résolution. Et là, nous, on a fait tourner une pétition sur change.org, parce que c'est quand même pratique, pour essayer de rassembler des signatures de la société civile pour pousser les députés à la mettre au vote pour faire pression sur le gouvernement. Alors, c'est pas une révolution. Une résolution, c'est pas un outil législatif incroyable, mais quand même, ça, c'est symbolique et ça peut surtout faire passer un message fort au gouvernement qui peut avoir le choix. De se rattraper socialement et éthiquement et économiquement. C'est un gros cadeau qu'on lui fait. Si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de regarder sur Change, Brexit, mettons fin aux paradis fiscaux. Vous pouvez signer, vous pouvez faire tourner. Et normalement, il doit y avoir une tribune qui devrait être publiée dans pas longtemps par des députés. On en a presque une centaine maintenant. Donc c'est possible. On est au courant. Il y a eu une question au gouvernement qui a été posée le 7 janvier dernier. Donc ils savent. Mais bon, a priori, ça, je ne sais pas si ça va faire changer les choses. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas rebondir sur ce que tu as dit. C'est parce que c'est pas, je ne connais pas assez de choses, mais merci de nous dire ça. Mais aussi, je voulais rebondir juste sur un point que j'avais oublié de mentionner. C'était de se dire qu'on pourrait mettre ses points dans une société plutôt qu'une autre, BlackRock ou je ne sais pas quoi, qui investissent, etc. Je trouve que, pour le coup, on taxe les décroissants de bisounours, de naïfs, etc. Mais je suis naïf aussi parce que la propagande qui va être faite dont on peut se douter à la suite, ça va sûrement pas être pour des fonds de pension qui seraient éthiques. Ce sera les gros titres, ce sera « Ah non, mettez plus, machin. Mon entreprise, elle met direct. Si tu veux mettre ton argent, si tu veux cotiser ailleurs, va falloir faire des démarches. » On sait que les gens, il y a une certaine partie de la population qui soit est épuisée de son travail ou n'a pas envie administrative parce que c'est compliqué, parce que nous on n'a pas quelqu'un payé pour se mettre à notre service pour trouver comment optimiser dans notre idéologie personnelle nos fonds. Donc je pense que c'est hyper naïf de penser qu'on va massivement mettre nos cotisations au service du bien commun. Je trouve ça très bisounours en fait. Je voulais réagir une dernière fois sur la fraude fiscale. Mais en fait, ce n'est pas pour rien que l'État français fait de gros efforts. Ce n'est pas pour rien qu'il vient de reconnaître, après une très longue enquête, que les Bahamas, les îles Vierges et l'île Maurice étaient des paradis fiscaux. Il y a un gros effort qui a été fait pour établir la vérité. Il y a des choses qui sont faites. C'est justement ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'ils sont... Non, mais ils ont conscience. C'est ça qui est fou. Ah oui. Non mais moi je plonge, je sais, faut pas me lancer. Non, enfin en gros voilà, c'est ça quoi. Bon, effectivement il y a des avancées qui sont faites, c'est vrai, mais là il y a quand même un gros paquet à récupérer, parce qu'on parle au niveau de l'Union Européenne, on parle de 750 milliards par an qui sont perdus au niveau de l'Union. C'est les chiffres de la Commission. Et on a la Commission européenne avec nous, donc de faire pression au niveau des négociations. Là, aujourd'hui, il y a vraiment, c'est en ce moment qu'il faut le faire, et c'est ça qui me perturbe avec le timing du gouvernement que je ne comprends pas. Ah oui, un autre petit point. Pour rappel, la réforme des retraites est très fortement soutenue par la Commission européenne, juste par d'autres institutions européennes qui ont apporté très officiellement le soutien et qui attendent beaucoup de notre cher président pour mettre en place cette réforme des retraites. Et... accessoirement, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Suisses ou même un Brésilien. Regarde ce qui se passe en France sur la réforme des retraites avec beaucoup d'anxiété, parce que si ça passe en France, si on perd notre système actuel, pour eux, ça signifie qu'il n'y a plus d'espoir et que tout est fini. Ils pourront jamais espérer avoir mieux. Et en fait, la France est considérée là-dessus, non pas comme un modèle, mais un exemple de ce qui est possible de faire autrement. Et s'ils sautent en France, pour d'autres pays, l'espoir d'avoir mieux que ce qu'ils ont, il est fini. Ouais, bon, enfin, le dernier argument contre la réforme, mon sentiment profond d'injustice, dans le sens où la fonction du politique, depuis Platon, c'est justement de faire d'appliquer en fait la justice. La justice aujourd'hui, avec la sectorialisation, les politiques publiques doivent arbitrer les politiques en fonction des intérêts sectoriels de façon juste. Et aujourd'hui, cette réforme-là, elle est pleine d'injustice. Et ça, c'est le sentiment d'injustice qu'elle fait ressortir. On l'a ressenti aujourd'hui à travers toutes les interventions, où là, on est citoyens de catégories sociales mélangées. Et j'ai l'impression qu'il y a presque un unanimisme contre cette réforme. Et qu'on a dû même avoir des partisans artificiels, tellement il n'y avait personne qui était pour, en fait. Et donc, en cette réforme, nous permet d'une part de mesurer la rupture démocratique, parce que la majorité élue est pour, et là, les gens dans la rue, ben, j'ai l'impression qu'ils sont contre, sauf peut-être, malheureusement, les retraités, une partie des retraités, parce que justement, eux, ils ont peur de perdre leur pension. En ce sens, l'espoir que je peux avoir aussi, c'est par rapport aux avocats, qui sont actuellement en train de se révolter aussi, parce que ça me fait penser un peu à la Révolution française, où ça a été une révolution aussi de juristes, comme Robespierre, etc. Enfin, il y avait beaucoup d'avocats, en fait. Et voilà, j'espère que les avocats... peut-être que les avocats, ils vont aider le schmilblick à avancer, quoi. parce que c'est des gens qui peuvent organiser les choses et qui peuvent les exprimer de telle façon à justice soit faite. Bonjour, monsieur. J'arrive en portugais de France, de Porto. Merci, nous aussi, bien de Porto. Bon. Mais avec respect, monsieur Durand, que monsieur Macron est gentil, mais un point. Pourquoi? Parce que lui, il a servié, il dit, tu copines, ah ouais, ça fait 17 ans qu'il la connaît. Et maintenant, il a venu, sa femme, c'est normal. Mais c'est pas ça, vous. Attends. Monsieur, moi, je suis. Il a acheté cette voisine. C'est grave, ça. Il est venu finalement à Portugal. Il a fait la guerre contre Angola, Mozambique, tout ça. Pourquoi il y avait dommage? Oh! Moi, 15 ans, Australie, Cynique, The Nile. Je parle anglais, je parle français, je parle portugais, je parle n'importe quelle langue. Bon. Mais, je vous souhaite à ma soirée, parce que je suis tout gentil à Europe. Écoutez comment ça coûte cher, Mauritanie. Ça coûte cher. Bah oui, tu vas chez Amigold, ça coûte plus cher. Parce que la France, c'est un pays pour le livre dans le monde entier. Faut pas dire non. Un gars qui n'a pas mangé, il veut manger tout le monde. Mange. Et les gens, ils n'ont pas compris. Maintenant, je vous dis, bonne soirée à tout le monde. Excusez-moi, monsieur. Charles de Gaulle, mon ami Charles de Gaulle. Il faut le Portugais en France. Il faut le Portugais en France. Pourquoi est-ce qu'il est intéressé? Pourquoi? La solution était de la construire. Mais l'ingénieur, qui vient, c'était un portugais. Ah, c'est lui qui l'a fait aussi à tout le Pontarral et à Porto, au Portugal. Vive la France, vive la République. Come lo chiedo al nostro bambino, io che la scrivo, io che la scrivo, il bambino, tancato preto, preto che la vai, e perché lo chiamo, e lo vai. Ma la mia sua cilla, creia meglio dell'Italia, del suo padre, mia signora, de ce pays, mon frère, je l'appelle pas, je vous dis. Merci beaucoup. Bon, ben, je crois qu'il est temps de conclure avec cette remarquable conclusion. Et merci beaucoup à tous pour avoir participé à la controverse. Et on se retrouve bientôt avec Éducation Populaire, le site web, pour les prochains rendez-vous à Ménilmontant ou ici, le dimanche ou...